Les blancs se sont eux-mêmes mis hors humanité. Le blanc va être une vieille chose dépassée et qu'il y aura métissage puis disparition, mais et c'est ainsi. Ce que vous appelez papier, c'est fait à partir du bois que vous avez volé en Afrique. Vous comprenez? Donc, normalement, ces papiers-là, c'est le droit des Africains. Le suspect a dit qu'il était dérangé par les blancs. Il a dit qu'il voulait tuer des blancs, particulièrement des officiers blancs. L'Europe a besoin de migrants. Elle en a besoin de façon vitale pour payer les retraites de ceux qui travaillent. En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a lancé un programme expulser 40 000 migrants en situation irrégulière. Ces derniers ont jusqu'à la fin mars pour quitter Israël, faute de quoi ils seront emprisonnés. On appelle ça l'altruisme intéressé. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 4, épisode 27. Alors, je procède au rappel traditionnel de notre émission. Vous pouvez bien évidemment nous contacter sur notre adresse email démocratie participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. Je répète, démocratie participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, si vous estimez que ce que nous faisons est utile et que vous l'appréciez, n'hésitez pas à nous soutenir en nous faisant des dons exclusivement en crypto-monnaie, Bitcoin, Ethereum et Monero, et on recommande d'utiliser Monero qui permet à celui qui fait le virement de ne pas d'être intraçable totalement. Voilà. Même si les bitcoins sont quand même assez sûrs, mais voilà. Monero, c'est en tout cas la monnaie qu'on recommande pour ceux qui le désirent. Enfin, vous pouvez retrouver nos PDF. Alors, il y a un PDF qui manque, mais celui de la semaine dernière est bien passé. On va essayer de rectifier le tir. Donc, téléchargez-les et partagez-les avec vos amis. N'hésitez pas à le faire, notamment par email. Hein, n'hésitez pas à faire tourner le PDF qui reprend tous les articles de la semaine par email. Ça permet comme ça de faire passer le bon mot. Alors, je vais présenter maintenant les participants de cette semaine. Je vais commencer avec, sans transition aucune, Pierrot qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Salut Pierrot. Salut Gandalf, salut à tous. MacDav est aussi avec nous cette semaine. Salut MacDav. Salut à tous, salut les Youpins. Hopman America est aussi avec nous. Salut Hopman. Salut les adorateurs de l'équipe de Guingamp. En avant les nègres. En avant les nègres. Ferdinand nous fait le plaisir de revenir dans l'émission. Salut Ferdinand, merci d'être là. Salut, salut à tous. Astérix est présent avec nous pour toute ou partie de l'émission. Ça nous fait plaisir de l'avoir avec nous. Salut Asté. Salut les amis. Ton topo sur le football féminin a beaucoup plu. Ça a ému. La violence du football féminin a séduit certains de nos auditeurs. Fulbert est présent avec nous aussi cette semaine. Salut Fulbert. Bonsoir Gandalf. Bonsoir à tous. Et enfin, Derek est aussi avec nous. Salut Gandalf, salut les gars. Donc une équipe étoffée cette semaine, presque la Dream Team, j'ai envie de dire. Alors, rubrique numéro 1 sans transition, question. C'est une question iconoclaste, ça peut être une question troll en fait. On l'a pas écartée, mais comme ça sort un peu des sentiers battus, et que finalement, ça a été un peu une thématique qui a été portée par certains il y a une dizaine d'années. On se dit, pourquoi pas la citer, cette question. Certains vont... Si vous n'êtes pas assis, asseyez-vous quand même. Alors, chère équipe de mon émission favorite, bonjour. Je tenais à vous faire part d'une pensée un peu perturbante de ma part. Profondément excédé par l'arrogance des métèques, des PD et surtout des femmes, en particulier les femmes blanches qui ont, semble-t-il, pour vocation d'emmerder leurs hommes le plus possible, je sens mon capital patience diminuer de jour en jour. D'autre part, comme on le sait, quand un musulman agresse une femme ou une fiotte, les conséquences judiciaires et policières sont, pour ainsi dire, inexistantes. J'ai au départ pensé en plaisantant que me convertir à l'islam me permettrait de remettre ces sous-merdes à leur place sans risquer de réels problèmes judiciaires. Seulement, je me dis cela de plus en plus souvent et avec de plus en plus de sérieux. D'autant plus que les blancs convertis sont en général très bien vus au sein de la communauté musulmane, d'autant que j'ai pu en juger. Autant que j'ai pu en juger. J'aimerais connaître votre opinion sur le sujet. Pour ma part, je ne pense pas le faire un jour, mais nul doute que beaucoup de jeunes blancs, y compris des camarades démocrates, finiront certainement par en arriver là, ne serait-ce que pour pouvoir laisser éclater leur juste courroux, en particulier envers les traînées qui nous servent de femmes. En vous souhaitant une très bonne semaine. Alors, bon, je l'ai dit, hein, c'est pour le moins iconoclaste, et ça tranche radicalement avec ce qu'on dit ici à longueur d'émission au sujet de l'islam, mais parce qu'elle est iconoclaste, je me suis dit qu'il fallait la poser, parce que certains, hein, à l'extrême droite, l'ont promu, ce genre de choses. Hein. Donc voilà. Donc il fallait, je me suis dit qu'il fallait en parler très librement. Donc je laisse la parole à ceux qui veulent s'exprimer. Alors on sent dans le courrier quand même une critique envers les femmes, surtout, hein, envers les femmes blanches. Alors il nous en dit pas plus. Malheureusement, je ne connais pas l'âge de la personne qui nous écrit. Je pense que c'est quand même quelqu'un qui est jeune. Et de ce qu'on ressent dans son courrier, il y a un contentieux. Peut-être avec une femme ou deux femmes ou une relation qui a mal tourné ou plusieurs relations qui n'aboutissent pas, je ne sais pas. Donc là, c'est un peu de la... Je suppute, mais bon. Alors, qui veut prendre la parole en premier lieu? Je vois qu'il y a Captain qui veut réagir. Je t'écoute, Captain. Nous t'écoutons tous. Oui, j'ai envie de lui dire, cet auditeur fidèle, premièrement, de ne pas désespérer, puisque... malgré la baisse de qualité au niveau comportemental des femmes occidentales, enfin des femmes blanches, il y a encore des filles qui valent le coup. Il faut bien sûr persévérer, hein, pour les trouver, c'est pas toujours évident. Et quant à sa question de l'islam, c'est vrai que c'est une question qu'on pourrait se poser en les écoutant, parce que des fois on parle avec des mèmes du genre la charia blanche, hein, la white charia, on est un petit peu taquin sur ces sujets-là, mais... Pour ma part, la conversion ne doit pas se faire chez nous, en fait, puisque avec l'islam vient déjà les mentalités islamiques, hein, qui sont pas vraiment évoluées. En plus, avec l'islam vient la proximité avec les bougnoules. Donc, la question « vaut-il mieux être un paysan chez... enfin, vaut-il mieux être le dernier parmi les meilleurs ou le premier parmi les derniers ?» Voilà, moi je préfère être, si je devais choisir entre être le roi des nègres ou un balayeur chez les blancs, je préfère être un balayeur chez les blancs. Donc, conversion à l'islam, non. En revanche, stay tuned, comme on dit, puisque à force de combat, je suis sûr que nous arriverons à changer le climat. Qui d'autre veut prendre la parole ? Oui, par rapport à cette hypothèse qui est mise par notre auditeur, du coup. L'hypothèse d'une personne qui est probablement dans une certaine fébrilité émotive. Oui, possible, fort possible. Je veux dire, c'est pas une conversion, voilà, oh, j'ai rencontré les lumières de l'islam à la faveur d'une lecture, etc. C'est un contexte psychologique, ça je voulais dire. Ouais, il faut bien, bon, comment dire, les blancs convertis très très accueillis, c'est-à-dire c'est des espèces de trucs qu'ils mettent en avant, tu sais, pour attraper les couillons, quoi, hein, c'est l'attrape-couillon, quoi, hein, le blanc qu'on a dit, regardez, cette vieille dame s'est convertie à l'islam juste avant de mourir, c'est où tu as l'espèce d'aide-soignante qui vient forcer la vieille... aller en enfer, quoi, en gros. Bon, ça c'est une chose. La seconde, c'est avec l'islam vient un universalisme cosmopolite et antiraciste encore plus violent que ne peut l'être l'espèce de truc gentil de Bergoglio, tu vois, parce que bon, Bergoglio, c'est le catholicisme en Europe, c'est bien gentil, mais c'est ringard, voilà. L'islamisme, en revanche, c'est quelque chose qui est très à l'ordre du jour. Et quand tu vois des pays, ben par exemple le Maroc, hein, tu compares des, enfin oui, tu regardes les Berbères, quoi, les gars du cru, quoi. la gueule qu'ils ont, et tu regardes le Marocain moyen, bon, tu sens que l'antiracisme islamique a fait que tout ce petit monde-là s'est mélangé avec du nègre, hein, sous excuse de la Houma. Bon, bah, si vous jugez qu'il est bon de se convertir à l'islam pour garder une homogénéité ethnique et ma foi des oui, même des relations oui des relations normales entre français hein, français ou européen, bah, c'est mal barré puisque au milieu de tout ça tu as la variable Bilal était noir. Certes. MacDav veut prendre la parole. Oui, alors il y a un propos qui m'a un peu fait tiquer, c'est d'autre part, comme on le sait, quand un musulman agresse une femme ou une fiotte, les conséquences judiciaires et policières sont pour ainsi dire inexistantes. Alors, ce n'est pas parce que tu vas te convertir à l'islam, cher ami, que tu vas devenir un arabe, hein, un bougnoul. Donc, en aucun cas, je sais pas si, même en plaisantant, comme tu le dis, tu voudrais peut-être te convertir pour pouvoir mettre des peignets, t'en fais pas, tu resteras blanc, hein, donc tu seras traité de la même façon, et si vraiment ton objectif c'est de pouvoir mettre des torgnoles, bah excuse-moi, t'es juste un connard. Parce que pour moi, un blanc n'agresse pas les femmes ou les fiottes, éventuellement il les remet à leur place, y compris physiquement, mais on n'est pas des bougnoules, voilà, on n'a pas à faire ça. Et deuxièmement, si tu penses que les blancs convertis sont très bien vus, tu te fourres le doigt dans l'œil, hein. Les communautés musulmanes qu'on a en France sont quand même globalement des communautés maghrébines, et tout le monde sait que les maghrébins sont excessivement endogames et mus par leurs instincts tribaux, religion ou pas religion. Je rebondis, excuse-moi, sur ce que tu disais, Magda, mais c'est très vrai, c'est-à-dire que c'est... tu as l'islam des Turcs, tu as l'islam des Marocains, l'islam des Algériens, l'islam des... Voilà, des autres, hein, tu as le centre Zara avec Yago Smith, les chiites, ouais. Mais voilà, les Turcs ont leur truc, par exemple, c'est très particulier, hein, c'est très cloisonné, ils font pas rentrer n'importe qui chez eux. Donc c'est, oui, bon, c'est, ils ont leur couillon qui vient là, qui mettent devant les caméras, mais non, c'est une expression de leur race, hein. C'est bon. Astérix voulait prendre la parole. Non, j'ai plusieurs choses à dire, mais j'allais dire à Derek que c'est un peu contradictoire avec ce que tu disais juste avant, à savoir que l'islam a amené au métissage. En réalité, l'islam, tout comme le christianisme, en fait, il amène pas du tout au métissage, parce qu'il y a tout un tas de choses dans leur doctrine qui établit que la diversité des peuples et la diversité voulue par Dieu. Donc le métissage va contre la volonté de Dieu, et tous ceux qui disent que le christianisme mène au métissage sont des... Bon, on le voit sur les commentaires, c'est souvent des provocateurs. Et en fait, sur l'islam, on peut dire exactement la même chose, hein. L'islam pousse pas du tout au métissage, quoi. Et d'ailleurs, je crois même que les imams sont plutôt... Enfin bon, bref, on s'en branle de ce que disent les imams. De toute façon, c'est le même principe que le christianisme. Alors, moi, ce que disent jeunes, je le comprends parce que c'est vrai que le pouvoir qu'ont les femmes et les fiottes dans notre société est devenu absolument insupportable pour n'importe quel homme qui a un tant soit peu de couilles, quoi. Maintenant, il y a pas mal de choses que le mec doit comprendre. C'est ce qu'a dit Derek, enfin ce que je sais, non, ou MacDav, à savoir que les blancs ne sont pas du tout bien acceptés chez les musulmans. C'est-à-dire qu'au début, évidemment, qu'ils sont bien acceptés, ils font du prosélytisme, donc ils te caressent dans le sens du poil le temps que tu deviennes musulman. Mais après, qu'est-ce qu'ils font de toi? Il suffit de voir, par exemple, tous les attentats kamikazes, quasiment, c'était des blancs convertis. C'est-à-dire que c'est des imams qui disent aux blancs allez vous sacrifier pour nous sauver la gueule, quoi. Donc, Je vais quand même, je vais quand même rebondir en disant qu'il y a des convertis dans les opérations kamikazes, mais il y a aussi beaucoup de Maghrébins, de Tunisiens, de gens comme ça. Enfin, je veux dire, c'est pas, voilà. C'est pas la majorité des convertis, hein. Ah oui, non, non, oui, c'est vrai. Non, c'est disons proportionnellement. Si tu comptes le nombre de convertis et le nombre de kamikazes convertis, il y en a beaucoup plus en proportion que de maghrébins. Mais vous avez raison, oui, l'immense majorité est quand même arabo-nègre. Mais ensuite, il y a un truc que beaucoup de gens ignorent, c'est que l'islam n'est absolument pas une religion universelle. C'est vraiment une religion. Que les Arabes, qui est arabisé, mais dans son essence, quoi. C'est-à-dire, y a rien à. Beaucoup de gens s'y sont intéressés pour les mêmes raisons que ce jeune homme. Moi-même, je m'y suis intéressé pour exactement les mêmes raisons que ce jeune homme. Enfin, d'autres raisons aussi. Après, y a aussi l'envie de retrouver une religion qui a un certain élan et tout ça. Donc moi c'est des choses que je m'étais demandé à 17-18 ans, quoi, et je m'étais un peu intéressé à l'islam. Mais franchement, les Arabes sont omniprésents dans cette religion. Je veux dire, les lieux saints sont arabes, la langue sainte est arabe, tout est arabe, et ça n'a absolument rien à voir avec la chrétienté qui, là, pour le coup, est réellement universelle. Et si demain tu veux devenir chrétien, tu ne seras pas un sous-chrétien, tu seras un chrétien comme les autres. Là, toi, en tant que petit blanc, tu seras un sous-musulman, et en plus, tu trouveras très, très, très peu de convertis dans l'élite. Donc, tu trouveras pas un blanc converti qui pourra te guider vers un islam intelligent et tout ça. Tu deviendras un putain de mongolien, ou alors tu deviendras pas musulman. Donc cette hypothèse, et bon, après peut-être que c'était peut-être aussi quelqu'un qui voulait nous faire parler de ça, parce qu'il y a ces fameux trolls qui nous parlent de démocratie participative comme étant un vecteur de l'islamisme. Parce que oui, la France produit des Mongoliens qui voient en démocratie participative un vecteur de l'islamisme. On les retrouve dans les commentaires. Enfin bon. Donc peut-être que ce jeune homme écrivait ce message pour nous faire parler de ça, plus que pour réellement savoir s'il devait se convertir, parce que je pense que notre réponse, il la connaissait d'avance, quoi. Évidemment qu'il faut absolument pas te convertir, évidemment que l'islam c'est une religion de merde. Plus tu creuses, c'est vraiment, faut se rendre compte, elle a déjà l'air moche de l'extérieur, mais plus tu grattes, plus tu vas découvrir de la merde. C'est une religion qui est assez ridicule, quoi, hein. Pour les esprits fins européens, c'est une religion qui est bien trop bête, quoi. C'est une religion pour les abrutis, quoi, pour les polios. Donc je sais pas si ça lui conviendra. Comme dirait le grand moufti Alain Soral, une religion qui se situe au niveau du lardon dans la salade, c'est quand même un peu de la merde. Alors, moi, j'ai donné mon opinion. Première opinion, c'est cette religion, comme l'a bien pointé du doigt Astérix, c'est une religion qui véhicule un esprit, et un esprit qui est forcément le produit d'un groupe humain, en l'occurrence les Arabes de la péninsule arabique, du 7e siècle, en plus pas n'importe quelle époque. Donc, vous retrouverez toujours cette logique de pillard, de comptable, de truqueur propre aux sémites. Et en fait, pour ceux qui s'intéressent à l'islam et qui le comparent au judaïsme, ils vont voir qu'il y a une très grande proximité entre ces deux systèmes religieux. Et en fait, le judaïsme, en fait, c'est un club fermé. L'islam, c'est un judaïsme ouvert à tous, et surtout aux plus débiles. Il faut toujours faire observer quand même que Mahomet, donc le prophète des musulmans, était quand même quelqu'un qui savait à qui il s'adressait. Parce que plus on analyse son système d'infiltration et de gouvernement, plus on se rend compte qu'il avait compris à quel matériel humain il avait affaire, et qu'il voulait, qu'il voulait s'en servir à des fins d'expansion politique. Et ce que je trouve quand même assez extraordinaire avec l'islam, je dois bien le dire, c'est leur faculté à quand même recycler leurs déchets. Voilà, ils recyclent leurs déchets avec beaucoup d'intelligence, c'est-à-dire qu'ils savent que 90%, 95% des musulmans sont des sous-hommes, et ils arrivent à militariser les rebuts, ce qu'on appelle les kamikazes. C'est-à-dire que les kamikazes sont les mecs qui sont programmés pour rater leur vie, en fait, dès l'origine. Ils les repèrent, et ils arrivent à les convaincre de mettre une ceinture d'explosifs autour d'eux pour être utiles pour le groupe, vous voyez. Mais vous verrez jamais les grands dirigeants de l'islam se foutent une ceinture d'explosifs pour aller se faire péter quoi, sur un checkpoint juste pour le geste. Ça arrive jamais, ça. Il faut vraiment les acculer comme des rats dans un trou pour que le type se fasse péter. Mais sinon, les grands dirigeants restent toujours dans l'ombre, à tramer, quoi. Donc il faut percevoir la mentalité sémitique, calculatrice, prédatrice de l'islam, et profondément expansionniste. Donc oui, il y a du prosélytisme. Et oui, ça leur procure beaucoup de satisfaction de convertir des blancs, ça il faut pas se mentir. Mais maintenant, du point de vue du blanc, du point de vue du petit homme blanc, qui finalement n'a pas de famille d'adoption, parce que c'est ça, c'est qu'on a détruit toutes les structures sociales, il n'y a plus rien de valorisant aujourd'hui pour un jeune homme blanc. Je veux dire, c'est un fait, on sort de millénaires d'histoire où il n'y avait que des exemples valorisants socialement pour un homme blanc. Aujourd'hui, dans cette société juive, l'homme blanc, il est chargé, il est accusé de tout, et il est dévalorisé et moqué en permanence, y compris par les femmes, y compris par les fiottes, on en arrive à ce stade. Donc c'est vrai, en plus de l'individualisme qui fait que les gens se replient aussi sur leur petit périmètre privé, et ils restent chez eux à déprimer, donc ils se posent des questions, ils disent « ouais, moi j'aimerais bien être du côté de gens qui sont forts, qui ont de l'ascendant, et qu'on peut pas prendre de haut sans risquer quelque chose ». Ça, psychologiquement, ça se comprend, et c'est ce qu'il nous dit, quoi. Mais en fait, et ça a été dit en fait très bien par les autres intervenants, c'est une fausse réponse. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'allez pas être valorisé pour ce que vous êtes, vous allez adhérer à un groupe de ratés qui joue la masse contre la qualité. Donc en fait, vous allez retrouver que des gens médiocres autour de vous. Enfin, je veux dire, prenez le bougnoul moyen, vous avez le musulman moyen, quoi. J'ai tout résumé, quoi. Donc non, il faut une voie pour les Européens qui leur soit propre. Mais c'est vrai que c'est très difficile, et je comprends que ça tape sur les nerfs, parce que on a que des handicaps. Mais en même temps, c'est une phase transitoire. L'histoire, c'est long, faut pas résumer toute l'histoire de la race blanche aux 50 dernières années, c'est-à-dire depuis mai 68, parce que sinon, c'est sûr, il y a de quoi broyer du noir, il y a de quoi déprimer, quoi. Donc, ça va repartir, mais ça va repartir avec des modèles blancs. Donc il faut être très clair là-dessus. Par contre, il faut aussi reconnaître dans leur stupidité crasse, il faut reconnaître aux musulmans quelques observations qui sont justes. Je veux dire, ils ont compris que les femmes, si tu les surveillais pas, elles faisaient n'importe quoi. Et elles pouvaient te foutre en l'air une société. Ça, ils ont compris. Bon, bah ils ont raison. Mais comme dit le proverbe, une horloge pétée donne deux fois l'heure correctement dans la journée. Hein. Je veux dire, c'est... Donc, je veux dire, voilà, que leurs femmes sont particulièrement atteintes, hein, encore plus que les nôtres. Ah, c'est bien pour ça qu'ils les bâchent comme ils font. Regardez le phénomène des beurrettes. C'est quand même effrayant, je veux dire, c'est quand même effrayant. Si vous émancipez des femmes orientales, c'est des supraputes. Il faut analyser aussi le phénomène du voile islamique en négatif de tout ce que les juifs nous en ont raconté, en fait. Quand vous regardez la situation, laissez émanciper les femmes orientales, vous ne serez pas déçus du voyage. Hein. Vous ne serez pas déçus du voyage. Hein. Ça donne la vida, quoi. Oui, allez, encore, ça c'est la version pudique. Voilà, enfin, c'est tout ce que je voulais dire. Donc non, il faut une voie blanche. Puis comme ça a été bien expliqué par Magave, de toute façon, tout est déterminé racialement. Alors, un blanc qui se convertit à l'islam, imaginez, quoi. Je veux dire, il se dit, ouais, bon, je me convertis à l'islam, je sens qu'il y a de la force sous-jacente, etc., je vais vers ça. Pour les autorités, tu vas cumuler deux tares. Tu vas être un blanc rebelle. Alors, déjà, un blanc rebelle, excusez-moi, pour les autorités, c'est dangereux. Un blanc rebelle converti à l'islam. Alors là, c'est, je veux dire, même al-Baghdadi est moins recherché. Non, quand tu vas passer devant un juge parce que tu auras parlé de travers à une gonzesse, j'ose même pas imaginer si elle est juive, c'est non, tu vas prendre le maximum. Donc c'est une très mauvaise idée en réalité. C'est une très mauvaise idée. Donc le courrier des lecteurs est arrivé comme ça, c'était intéressant de le poser. Mais non, la conversion à l'islam, c'est rajouter un handicap encore en plus. C'est être la minorité d'une minorité, enfin pour l'instant quoi, qui de toute façon sera toujours perçue comme douteuse, hein, à la fois par les musulmans eux-mêmes et surtout par les autorités. Donc, sauf à vouloir vraiment, enfin, sauf à vouloir rater absolument sa course dans la lutte pour la survie, je vois pas l'intérêt, quoi. Hein. Je vois pas l'intérêt. Donc non, il faut rester toujours sur le paradigme de la solidarité raciale entre blancs, quoi. Voilà. Mais je dis pas que c'est facile. Hein. Est-ce que quelqu'un d'autre veut rajouter quelque chose ? Pas spécialement ? D'accord. Bon, bah, la question a été posée, donc avis au... Par contre, je précise un truc, hein, pour illustrer un peu mon propos. J'ai eu dans le passé, bon, il y a quand même un certain nombre d'années, contact avec un couple de blancs convertis à l'islam, qui ne fréquentaient pas du tout les musulmans, mais vivaient totalement isolés. Donc, quel est l'intérêt, si vous voulez ? Vous n'êtes même pas dans la communauté religieuse en réalité, vous vivez isolé, seul. Pourquoi ? Parce qu'il y a un texte machin, ça vous a une révélation, je sais pas. Non, il n'y a que des désavantages. Il n'y a que des désavantages et ça ne résoudra rien des problèmes qui se posent à vous, qui se posent à nous tous, quoi. Donc, fausse solution qu'il faut dénoncer le plus souvent, d'autant que les convertis ont, et c'est très connu, une lourde tendance à faire du zèle. Comme on dit, le zèle des nouveaux convertis. Et on va retrouver les plus enragés contre le monde blanc du côté des sémites, mahométans pour le coup. Et c'est vrai qu'on va retrouver l'intelligence, le potentiel d'intelligence ou le potentiel de courage des blancs au service d'une cause qui est racialement ennemie, c'est-à-dire la cause des sémites. Il faut toujours regarder les choses en termes raciaux. Donc les convertis sont en réalité nos plus grands ennemis. D'accord ? Alors ça va qu'ils sont pas très nombreux, et puis bon... Oui, souvent, la plupart du temps, ce sont des cassos. Quoi. Ouais, ils sont boiteux, hein. Bon voilà, mais bon, il faut bien voir ça. Et puis enfin, alors là, très prosaïquement, sachez que si vous avez 22 ans, vous voulez vous convertir à l'islam, vous avez gagné, avant de rentrer dans le club, le droit de vous couper un morceau du zizi, ce qui est quand même très très très très douloureux. Hein. Donc, bon... Je vous ai dit, c'est que des handicaps. Alors bon, si vous avez un goût pour le masochisme, pourquoi pas. Mais vraiment, je cherche. Il y a que pour se marier. C'est pas que je déconseille, mais se convertir à l'islam, c'est haram, d'accord. C'est pas possible. Dernier truc, Gandalf, tu dis qu'il y a que des inconvénients. Bon, il y a un seul avantage, évidemment. Hein, c'est pour les gens qui ont beaucoup beaucoup de mal à se trouver une femme. Là, effectivement, ils vont demander à l'imam du coin. Ils disent voilà, moi j'ai un bon boulot, je gagne temps, machin. Je cherche une femme. Le lendemain, il y en a deux, trois, quatre. Et le lendemain, il a un annuaire de postulante. Quoi. Ah, je suis pas bien sûr de ça, moi. J'ai pas justement, moi j'ai des témoignages en ce sens. Si c'est un blanc avec une Ferdinand, situation... Ah oui, s'il y a du pognon. Mais Ferdinand a des cas concrets, moi je suis preneur de ça par contre. Bah oui, parce qu'il se trouve que dans l'immeuble dans lequel j'ai grandi, il y a pas mal de mes voisins français qui se sont convertis à l'islam. Bon, parce que toute la journée, t'as quand même des beurrettes qui te font assez souvent les yeux doux. Elles en ont peut-être marre de se faire frapper par leur Mohamed, je sais pas, mais c'est un truc très récurrent. Et il y en a qui se convertissent comme ça et qui épousent une beurette. Mais ces types-là, après, ils sortent totalement de la race blanche. Puisque déjà, toute leur énergie vitale, ils la mettent au service de la communauté musulmane. Tout leur salaire, l'éducation, tout est tourné vers la communauté. Parce que la famille française d'origine se fait bouffer. Elle est totalement absorbée par la très grande famille musulmane. Et en plus de ça, je vous laisse imaginer comment se prénomment les enfants hein, des couples français beurrettes. Hein. Et derrière, voilà, le français sort totalement de la race blanche. Et en plus de ça, c'est pas non plus écrit musulman sur son front. Donc quand il se fait griller la priorité en voiture par un bougnoule, quand il se fait chipper par une négresse totalement insolente sur le trottoir, sa conversion ne lui a servi à rien en plus. Sauf s'il il adopte le look salafiste, on va dire. Mais là, c'est plus les renseignements généraux qui vont s'occuper de toi un petit peu, quoi. C'est... Vous voyez, hein, c'est multiplier les difficultés. Bref, bon. Bon, unanimement, on interdit... Alors voilà, fatwa, nous interdissons la conversion à l'islam aux blancs. Qui est contre ? Oui, ah ben non, mais avec les mêmes... comment dire ? les mêmes punitions que peuvent appliquer les musulmans. Oui. Hein. Oui, pareil. On les considérera comme des apostats. Désolé pour le jeune homme s'il a déjà pris sa décision, mais tu es un apostat, mon ami. Bah, disons que si c'est une question de femmes et de polygamie, à ce moment-là, tournez-vous vers les Amish ou vers les Mormons, hein, parce que là, oui, c'est vrai que ça. Parce qu'on a quand même aux USA des populations qui sont hyper blanches, qui sont hyper professionnelles mais à l'ancienne, hein, et qui ont des descendances assez nombreuses avec des femmes qui ont du respect pour leur mari, de l'affection, de la dévotion. Je pense voilà que si c'est pas une question de spiritualité, il faut se tourner vers ce genre de secte entre guillemets chrétienne. Débat ouvert, messieurs. Courrier des lecteurs pour notre rubrique numéro 2. J'enchaîne sans transition aucune. Bonjour. Alors je lis, hein. Je vous ferai un don dès que j'aurai eu le temps de me familiariser avec les monnaies électroniques. Parlons de la Suisse, où je vis depuis presque 20 ans, m'étant expatrié au début pour des raisons financières. Le salaire étant plus élevé, je ne suis pas un millionnaire forfaitaire. Il faut savoir qu'il y a moins... Oui, parce qu'on avait eu un auditeur qui avait posé la question, voilà, j'aimerais aller en Suisse. Il faut savoir qu'il y a moins de 20 000 juifs en Suisse. Le chiffre a peu bougé depuis 1905 pour 8 millions d'habitants, ce qui explique peut-être le faible niveau de corruption. Ils sont peu présents en politique, le système de votation populaire les empêcherait d'imposer leur dictature, bien que les lobbies soient assez présents au Parlement de la Confédération. Quant aux nègres, on les trouve surtout en ville, en Suisse romande, Lausanne, Genève. Ils sont souvent attitrés aux basses besognes, pardonnez-moi, là où devrait être leur place. Aide-soignant dans les maisons de retraite, une légère formation leur est demandée pour nettoyer le cul des vieux, travaillant dans la santé. Je peux vous dire qu'il ne faut surtout pas leur en demander plus. Par chance, les hôpitaux commencent à être vidés de ces animaux, car ils ont décidé de demander une formation un peu plus poussée qui, de facto, exclut les nègres. Je pense qu'ils n'avaient pas prévu cette conséquence, ces institutions étant tellement persuadées de l'égalité des races. Dès que vous êtes dans la ruralité, on vit une grande partie des Suisses de souche, et dans les petites villes, presque pas de nègres, sauf une petite ville du canton de Fribourg. Je suis allé à un spectacle d'enfants, il y avait 99% de blancs. En Suisse, peu d'arabes, sachant que pour intégrer la Suisse, il faut un permis de travail, pas un permis de séjour, ce qui évite d'avoir tous les parasites de la terre. Si on ne travaille pas en Suisse, il est quasi impossible de rester dans le pays en étant étranger, sauf pour ceux qui ont le statut de réfugié. Très sélectif, mais pas encore assez. Bizarrement, quand on demande aux gens de travailler dans un pays, il y a moins de sémites. Le travail est une valeur de la Suisse. Peu d'impôts, des assurances maladies privées, mais obligatoires. Je suis naturalisé suisse, je l'ai fait pour mes enfants, mais surtout pour éviter d'être associé à la négrification et musulmanisation de ce pays que j'aimais, la France. Lorsque je reviens dans mon pays de naissance, il y a des nègres partout sur les places et des musulmans partout à Auchan. Les Suisses ont voté non au minaret, non à l'immigration de masse. Dans les communes rurales de Suisse romande, il existe les jeunesses rurales traditionnalistes. C'est une institution vieille de 100 ans. Cette année, on leur reproche d'être proche de l'UDC, donc qui est le parti populiste suisse. Ils rétorquent que prônant la tradition, leurs valeurs se rapprochent de ce parti, mais sont apolitiques. Autant vous dire que, dans les fêtes de jeunesse, le nombre de nègres et de bougnoules est proche de zéro, comme par hasard. Il y a peu de viols dans ce genre de fête, et pourtant l'alcool coule à flot. Les Suisses sont les champions des festivités générationnelles, c'est-à-dire qu'ils organisent tous les 20 ans certaines fêtes pour perpétrer une certaine tradition. Cette année, fête des vignerons à Vevey, la dernière était en 1999. Ah oui, mis à part le fait que tous les jeunes Suisses ou presque possèdent leurs armes d'ordonnance à la maison, le tir est un sport national. Il y a plus d'armes par habitant qu'aux USA. Je possède moi-même un pistolet semi-automatique. Malgré la nouvelle loi imposée par l'Union européenne pour que la Suisse limite ses armes avec une loi qui, hélas, a été approuvée par le peuple. C'est-à-dire qu'en cas d'invasion par les négroïdes, vous trouverez dans chaque village assez de personnes pour défendre le pays. Pour conclure, même si la Suisse n'est pas un paradis blanc, il y fait bon vivre. Mieux qu'en France. J'encourage les blancs à venir dans ce pays avant que l'UE nous impose son lot de nègres. Salutations, et c'est Destroying First qui nous écrit, qu'on salue. Donc c'est un Français qui est devenu Suisse, voilà. Alors, là, on change complètement d'atmosphère et d'environnement. Pas tout à fait de thématique, ceci étant dit, hein. Alors, je ne sais pas si... Moi, je suis passé par la Suisse une fois, mais je n'ai pas du tout la prétention de connaître ce pays. Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer soit sur le pays, ou soit sur ce qu'a pu dire notre auditeur? Là, j'ai Astérix qui veut prendre la parole. Oui, alors moi je connais pas mal la Suisse. Je suis un peu étonné de certaines choses que cet auditeur nous a décrites, pardon. Je crois que dans les grandes villes, enfin c'est pas je crois, je suis sûr, c'est-à-dire Genève, Lausanne, Zurich, ces villes sont infestés de bougnoules, d'Albanais. Alors les Albanais, faut savoir que c'était devenu un tel fléau sur le canton de Genève qui leur ont fait une guerre. Ils ont exclu tous les Albanais. Enfin, en tout cas, ils ont essayé de dégager tous les Albanais sans papier. Alors vous me direz rien que ça, nous en tant que Français, ça nous fait bander d'imaginer des étrangers qui sont exclus. On n'a pas vu ça depuis 70 ans. Oui, depuis que les Allemands ont été chassés, oui, effectivement. Mais ça signifie quand même que ces villes étaient infestées d'Albanais. Et alors, les Albanais, ce ne sont même pas les pires, hein. Je vous dis, il y a les Arabes, il y a les Noirs, le trafic de drogue est très, très, très connu. Enfin, c'est une plaque tournante de la drogue, hein. Que ce soit Zurich ou Genève, des gens de l'Europe entière vont s'y fournir. Et je ne parle pas que du cannabis. Alors, moi, je pense que la Suisse, c'est un pays, si vous voulez, quand on a la chance comme lui de pouvoir avoir sa carte d'identité suisse, enfin, de pouvoir être considéré comme un Suisse, c'est vrai que ça doit être un pays assez agréable à vivre, très très riche, tout ça. Ce qui nous explique sur la faible corruption due au faible nombre de juifs, ça, c'est tout à fait valable, hein, on le retrouve de toute façon. Le taux de corruption est proportionnel et inversement, enfin, et inversement proportionnel au nombre de juifs. C'est-à-dire que la Finlande est le pays le moins corrompu du monde, il y a 1 000 juifs. Le Japon est le pays, non, la Finlande est le deuxième pays le moins corrompu du monde. Le premier, c'est le Japon. Il y a, je sais pas, les spécialistes nous diront, mais au Japon, il y a très très peu de juifs, je sais même pas s'il y en a. Et donc, on retrouve systématiquement les pays avec peu de juifs comme étant les pays les moins corrompus du monde. Donc ça, c'est bien. Maintenant, sur le Suisse, il y a quand même quelque chose qui est très, qui est emmerdant chez ce peuple, quoi. C'est vraiment un, comment dire, matérialiste, individualiste par excellence, quoi. C'est-à-dire que le Suisse, il a sa maison, sa bagnole, son truc. Il voit pas plus loin que le bout de son nez. C'est un pays où on ne pense pas, où on réfléchit pas. Alors, vous me direz vu en France l'intellectualisme de merde dans lequel on baigne depuis 70 ans, ça fait du bien d'avoir des gens qui font les choses au lieu d'en parler, quoi. Les Suisses, ce sont des gens qui ils ne se posent pas la question du pourquoi, ils se demandent la question du comment, ils se posent la question du comment. Un peu à l'image des Nordiques, quoi. C'est pas un peuple de philosophes, quoi, les Suisses, hein. Alors, on peut trouver ça sympa, mais moi je trouve qu'ils sont très très désagréables, très méprisants avec les Français. Ce que je comprends de mieux en mieux, évidemment, étant donné la faune qu'on leur envoie comme travailleurs saisonniers, quoi. On leur envoie tous nos bougnoules, tous nos nègres, donc c'est bien logique qu'ils commencent à en avoir marre de nous. Simplement, il faudrait qu'ils mettent des mots sur ce qu'ils... Enfin, il faudrait qu'ils disent la réalité, quoi. Il faudrait qu'ils arrêtent d'insulter les Français. Non, non, c'est pas les Français. C'est pas des Français. Quand on voit Momo avec sa gueule de chameau et ses 15 gamins qui débarquent, faut pas dire il y en a marre des Français, faut dire il y en a marre des bougnoules. Le jour où les Suisses se paieront les couilles de dire il y en a marre des bougnoules français, je commencerai à les apprécier un peu plus. On a beaucoup d'auditeurs en Suisse, donc je présume que Astérix, enfin je précise quand même que bon, Astérix distingue, hein, je veux dire, c'est pas un bloc, c'est pas un tout, il parle de tendance. Enfin, je présume, je veux pas mettre des mots, des phrases dans sa bouche, mais je pense que c'est ça. Non, bien sûr, bien sûr. Excuse-moi, hein, oui, non, mais je vais finir vite fait Ouais. en précisant que les Suisses sont des gens très corrects, très honnêtes, qui font le boulot. Il n'y a pas tous ces bons à rien qu'on retrouve en France qui font n'importe quoi. On va pas retrouver comme en Corse 90% de la charcuterie corse qui n'est même pas corse, qui vient de Chine, qui nous vendent. C'est pas ce genre d'enculé là, quoi. C'est non, les Suisses sont, ça reste un peuple alpin qui fait les choses bien. Voilà. Mais moi, c'est, j'ai un petit problème avec leur côté. En fait, pour moi, c'est des enfants gâtés de la modernité. Ils ont tous les bons côtés de la modernité sans en avoir les côtés négatifs. Et en fait, ils pensent que ça ne les rattrapera jamais. Ils pensent que c'est grâce à leur qualité que la merde ne les a pas rattrapés. Or, là-dessus, à mon avis, ils se trompent. C'est un petit pays et ils risquent de se faire bouffer par toute la merde qu'il y a autour, quoi. Mais oui, t'as raison. Les Suisses, individuellement, ça reste quand même c'est autrement mieux qu'un bougnoul, c'est autrement mieux qu'un français, hein. Le français, aujourd'hui, est largement en dessous du Suisse. Donc, que nos amis Suisses ne se vexent pas, quoi. C'est... Alors, comment dire, Pierrot veut prendre la parole. Oui, donc je vais faire peut-être une analyse un peu plus nuancée, en tout cas je vais essayer. Donc comme l'a dit ce cher démocrate participatif qui nous écrit, les Suisses, ils ont une démocratie directe bien à eux, et les Suisses en général sont très attachés à leur démocratie directe, ils aiment bien ça. Alors cette démocratie directe, elle comporte quand même une petite faille, même une énorme faille. Cette démocratie directe suisse apporte beaucoup de stabilité, donc ça les Suisses ils aiment bien la stabilité politique. Mais du coup, politiquement en Suisse, il se passe pas grand-chose, quoi. D'ailleurs, il se passe tellement rien que les Suisses francophones, c'est simple, ils s'intéressent beaucoup plus à la politique française qu'à la politique suisse, parce qu'il y aura jamais beaucoup de changements. Alors, si vous faites d'un côté, voilà, vous avez deux ingrédients, la stabilité politique plus le fait que la Suisse est un pays riche par rapport au nombre d'habitants, et qui subissent une immigration un peu moins violente que la nôtre, mais en tout cas, ils en subissent quand même. Ça fait que l'assimilation, en gros, de tous leurs Arabes, de tous leurs Africains, ça se passe quand même mieux. Bon, alors mieux entre guillemets, hein, parce que vous connaissez les zigotos, hein, ça part en viol, en baston, tout ce que vous voulez, parce que voilà, ces gens-là se considèrent un peu comme chez eux, et puis ils se comportent comme des animaux. Mais voilà, ça se passe un peu mieux. Et moi, je suis pas sûr que ce soit vraiment une si bonne nouvelle que ça, quoi. C'est-à-dire que moi, je suis contre le fait que mon pays devienne africain ou arabe. Alors, que ça se passe dans la, si une assimilation qui se passe dans la douceur ou dans la violence, que ce soit un cas comme dans l'autre, je sais pas, je me sens pas spécialement heureux. Au moins en France, on a un petit côté positif, c'est que des fois ça remue un peu. Quoi. Moi, je préfère bien plus Morsailles à Carteron, quoi. Quelque part, il y a pas de tromperie sur la marchandise. Il y a pas un mec qui essaie de mettre des lunettes et de se faire passer pour un Français. Les Suisses, ils ont ce petit travers-là. Et bon, alors c'est vrai qu'il a mentionné ça aussi, ils arrivent à avoir des petites victoires politiques sur le halal, les 2-3 minéraux comme ça, mais je veux dire, ça ne change rien au constat global, et petit à petit, un peu comme la grenouille que vous mettez dans une casserole, elle va crever à petit feu comme ça, donc c'est un peu le système qu'ils ont. Bon voilà, ça c'est un peu le côté négatif que j'apprécie pas trop dans ce pays riche qui en plus, et c'est vrai qu'on a dit Asté, un peu plus touché quand même par le matérialisme, parce que voilà, c'est un pays quand même qui est quand même très riche. Mais bon, j'ai pas envie surtout de cracher sur les Suisses, parce que quelque part dans leur caractère, il y a quelque chose que j'apprécie énormément. C'est une volonté de résilience, et peut-être, je sais pas si c'est un lien, bon, peut-être que dans les commentaires, les gens pourront parler là-dessus, c'est la constitution suisse qui autorise le port d'armes. Pour moi, c'est un peu comme dans les USA, disons que ça met en valeur un certain nombre de caractères, de volonté, de résilience. Donc voilà, c'est un petit propos nuancé sur la Suisse, un pays que j'ai l'occasion de traverser de temps en temps, et c'est toujours avec grand plaisir parce que les paysages sont magnifiques, voilà. Magda voulait aussi parler. Oui, je connais un petit peu la Suisse. Déjà, c'est un pays protestant. Si vous n'avez pas compris ça, vous aurez du mal à comprendre les Suisses. Alors il y a des protestants de différentes teneurs, vous avez des luthériens dans les parties allemandes, plutôt des calvinistes dans les parties françaises. Et ça a profondément marqué l'esprit, qui est un esprit très entreprenant, qui est un esprit qui n'est pas du tout très tape à l'œil. Alors, c'est pas. Par exemple, les Suisses, bon, ils ont peut-être des bagnoles allemandes et beaucoup de pognon sur leur compte en banque. C'est pas ils n'ont pas ce côté tape à l'œil que peuvent avoir les Français quand ils ont un peu de pognon. Pas du tout le même esprit. Et finalement, les Suisses, enfin, la qualité de vie suisse est due à leur qualité. Uniquement à leur qualité. Parce que c'est pas un pays qui est riche. C'est pas un pays qui regorge de ressources naturelles, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Alors effectivement, il y a le côté des banques, mais la Suisse a une part de son industrie qui est très largement supérieure à celle de la France en termes de PIB. C'est un pays qui est beaucoup plus industrialisé que la France. Et effectivement, dans ces industries, les classes moyennes populaires gagnent très bien leur vie. Parce que les Suisses, c'est un pays d'adultes, c'est un pays fédéré, donc on y a une prise de distance avec le pouvoir central qui est juste impensable en France. C'est même une confédération, donc c'est encore une vision plus lâche de la fédération. Et ce sont des peuples responsables et adultes. Et c'est impensable en France. En France, nous sommes des peuples maternés. Nous ne sommes pas des peuples adultes. Nous avons un état nounou qui nous prend en charge de la naissance à la mort, et nous sommes des enfants. Les Suisses, effectivement, ils peuvent avoir quelques défauts. Moi, je pense que c'est variable selon les cantons, parce que pas non plus oublier qu'on parle au moins 4 langues au moins. Et c'est vraiment, ça c'est, oui, c'est franchement pas, comment dire. C'est pas comparable avec la France. À part effectivement la partie romande. Mais c'est un autre état d'esprit. Et si la France avait fait des choix adultes, comme éviter l'état nounou qui nous coûte un pognon monstre, eh ben on aurait peut-être le niveau de vie des Suisses. Je pense que la France a même été pendant très longtemps un pays beaucoup plus riche que la Suisse. La Suisse a même été considérée un temps comme un pays pauvre. Hein. Les paysans ne gagnaient pas très très bien leur vie. C'était un pays qui exportait du mercenaire à foison. Hein, c'est un peuple de guerriers. Contrairement, c'est pas du tout un peuple de pacifique. Et j'ai un profond respect pour ce petit peuple. Voilà, quel que soit le côté linguiste. Hein, j'ai profondément de respect aussi bien pour les gens qui habitent les parties germanophones que même pour les Suisses de souche, hein, les vrais Suisses. Qui habite en Romandie. J'aime beaucoup ce peuple. Alors, Ouais, vas-y. Je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit MacDuff par rapport au côté guerrier des Suisses. C'est vrai, hein, bon, le pape a toujours eu des gardes suisses. Il faut penser aussi aux contingents de mercenaires qui sont morts, hein, jusqu'au dernier pour défendre Louis XVI. Et d'ailleurs, c'est très marrant, pour ceux qui sont intéressés par les chants tradis, il y a heureusement un chant qui s'appelle Les Adieux Suisses, et qui rend hommage en fait à la valeur de ces mercenaires suisses qui sont tombés pour une cause assez juste. Comment dire, il faut observer qu'en Suisse, le rôle de la langue... dans la partition idéologique du pays est assez frappante, la partie francophone étant beaucoup plus à gauche que la partie germanophone et ou italophone. Donc ça joue un rôle dans les votations, on le voit. Donc en fait on exporte notre sida copieusement par la langue. Faut l'observer avec humilité. Alors j'ai une question pour Fulbert. Parce que finalement la Belgique est un petit peu dans la même situation, c'est-à-dire que c'est un pays qui est... c'est un État, on va dire, qui est composite, au moins au plan linguistique. Et je voulais avoir l'avis de Fulbert, alors non pas sur la Suisse en général, mais disons, voilà... Parce que c'est le deuxième... Je trouve que c'est deux configurations qui se ressemblent un peu. C'est différent, mais ça se ressemble un peu. Qu'est-ce que, par exemple, un Belge pense de la Suisse ? Étant entendu que la moitié de la Belgique parle français, l'autre moitié parle, en fait, le flamand, le néerlandais. Et que c'est... alors peut-être pas les mêmes proportions, mais c'est un peu le même scénario avec la Suisse. Par exemple sur le fait que la langue française véhicule beaucoup plus les idées qui viennent de France, qui sont beaucoup plus à gauche, que la partie dont la langue est germanique. Oui, bien, pour tout dire, c'est vrai qu'il y a un effet, comme ça a été signalé. Ce que les Belges pensent de la Suisse, pas grand-chose, je pense. Beaucoup de bien, généralement, mais pour ce qui est de similitudes, c'est vrai que l'esprit républicain en France fout une merde pas possible dans les populations qui sont francophones, comme les Suisses romands, comme les Belges ou wallons. Prenons le cas de la Belgique, justement, il y a les deux principales cultures, je dirais, enfin, culture, le mot est un peu fort, deux langues principales, le néerlandais au nord et le français au sud. Eh bien, la partie francophone est, comment dirais-je, elle est gauchiste par réflexe, par habitude, presque par ennui. Mais je crois que c'est le cas aussi de la Suisse romande. Mais c'est la seule chose que, disons, moi qui me frappe particulièrement, c'est cet aspect, oserais-je dire, souillé de l'esprit républicain qui passe par-delà les frontières lorsque la langue se maintient. Oui, l'esprit jacobin, révolutionnaire, ça ouais, c'est ça, oui. Le jacobisme se transmettrait par la francophonie. Du coup, ah, tiens. Les nègres aussi, tiens. Il y a des vecteurs, des ascenseurs, ça va, ça vient. Non, mais c'est vrai qu'il faut en parler des Suisses. Il y a beaucoup de Suisses qui nous écrivent, il y a beaucoup de Suisses qui suivent l'émission. Moi, je m'en félicite parce que c'est ce que j'appelle la francophonie positive. On a aussi des Québécois qui nous suivent. La francophonie positive, c'est-à-dire la francophonie blanche par opposition à la francophonie négative, qui est la francophonie officielle, qui est celle de Pierre Asselineau, de Marine Le Pen, et même de la francophonie comme institution gouvernementale promue et soutenue par la France. Donc, moi, je suis toujours curieux de savoir ce que pensent les francophones des autres États, que ce soit sur leur propre pays ou bien que ce soit sur la France. Mais le poids de la France sur des pays frontaliers qui partagent en partie la langue française est indéniable. C'est indéniable. Hein. Et malheureusement, il n'y a pas que la langue hein, que l'on partage. On partage de plus en plus aussi notre richesse biologique, n'est-ce pas ? Et Astérix, à un moment donné, parlait de ces fameux transfrontaliers qui vont en Suisse. Alors, je sais que les Suisses en ont marre. Moi, je le comprends. Voilà, mais je comprends aussi les Français qui essayent d'aller en Suisse. Parce que faut voir ce qu'ils fuient. Ils fuient le bolchevisme. Il faut comprendre ça. Le bolchevisme matiné d'islam. Donc je comprends que les Suisses en aient assez. Alors là, je parle plus des travailleurs français qui arrivent en Suisse travailler. Je parle pas des bougnoules. Mais il y a le facteur des bougnoules. Hein, les bougnoules de Grenoble, les bougnoules de Lyon qui vont foutre la merde en Suisse. D'ailleurs, eh oui, on n'en parle jamais. Et dans la presse, que ce soit la presse romande ou dans la presse française, on évoque effectivement, toujours sous le terme euphémistique de français, le problème en fait du virus racial, migratoire, qui provient de France, malheureusement. C'est vrai, c'est juste. Alors malheureusement, moi je connais pas la Suisse, j'ai traversé la Suisse, mais je ne connais pas la Suisse, donc je m'abstiendrai de formuler quelque opinion que ce soit sur un pays. Ah, par contre, juste un truc, MacDav a fait observer que pendant longtemps la Suisse a été plus pauvre. Alors j'ai vu un chiffre très récemment, dans les années 70, le niveau de vie des Suisses et des Français était identique. Est-ce que vous le saviez ça ? On avait le même niveau de vie. Et nous, on a eu 40 ans de socialisme, et maintenant, les Suisses sont deux fois plus riches. Voilà. Oui, 40 ans de socialisme et de... De communisme, oui, enfin, socialo-communisme. Non, mais de communisme et de nègre. Hein. Ah bah oui. L'Algérien, d'SOS racisme, etc. Oui, tout à fait. Oui, parce que l'immigration en Suisse est aussi très différente. Ils ont beaucoup de gens des Balkans, beaucoup de gens des Balkans, des Kosovars. C'est pas toujours très reluisant, on est bien d'accord. Hein. Ils ont de l'Albanais, du Kosovar, musulmans, teigneux. Bon, je vais pas citer Tariq Ramadan, hein. Ils ont aussi des choses comme ça. Enfin, Tariq Ramadan, c'est pas non plus l'arabe de banlieue, vous voyez, c'est la bourgeoisie égyptienne. Enfin, vous voyez, bon, c'est des choses comme ça. Enfin, ils ont un type d'immigrés. Mais, la France, mue par un sentiment naturel de solidarité francophone, essaye d'aider les Suisses à rattraper leur retard, leur fossé racial, en leur exportant des nègres. Ne nous remerciez pas, chers auditeurs suisses. Même l'immigration extra-européenne suisse, c'est le haut du haut du haut du panier. Et vous trouvez des trucs totalement improbables. Vous avez des ingénieurs noirs... de très haut niveau en Suisse, j'en ai vu. Alors c'est vraiment des gens qui sont vraiment à l'extrémité de la courbe de Gauss, quoi. Des gens très rares. Et ils arrivent quand même, les Suisses arrivent quand même à dégoter ce genre de trucs totalement improbables. C'est bon. Oui, c'est parce qu'ils ont un système d'immigration basé sur le travail. Alors moi je dis pas c'est ce qu'il faut faire, mais disons qu'ils sont sélectifs. Alors qu'en France, bon. Voilà. On est d'accord. Sélection, de suite, tu grève. Oui, c'est le nazisme, hein, sélection. Question, Fulbert, la Suisse a un système d'immigration qui a l'air, je ne veux pas dire de fonctionner, parce que ce serait mentir, mais sélectif, donc il y a quand même des critères, voilà, il ne suffit pas d'arriver, visiblement. En Belgique, vous êtes plutôt sur un modèle français ou plutôt sur un modèle suisse. Alors j'ai la réponse, mais je te pose la question quand même pour avoir la réponse de quelqu'un qui vit en Belgique. Je dirais que c'est entre les deux. C'est-à-dire que on encaisse beaucoup d'immigrés, ça c'est certain. Mais encore une fois, il y a les deux populations, là, hein, néerlandophones d'un côté, francophones de l'autre. Il y a des gens quand même côté flamand, donc néerlandophone, qui s'y opposent. Je ne vais pas dire avec un certain succès, disons, avec un succès limité, ce serait plus juste. En Wallonie, on est un petit peu à la merci des voyous qui nous dirigent. Et paradoxalement, il y a plus d'immigrés en Flandre qu'en Wallonie. C'est assez curieux. Je crois qu'il y a quelque chose d'assez complexe là-dessous que moi, je suis incapable d'expliquer. Mais je dirais que c'est peut-être, ça ressemble à la France et quelque part, ça ressemble un peu aussi à la Suisse. En moins. D'accord. Messieurs, je vous propose de passer au courrier suivant. Courrier numéro 2, les amis. Bonjour les démocrates. Tout d'abord, merci pour vos articles et vos émissions qui constituent un des derniers bastions de la liberté d'expression goy. Je vous écoute depuis le début de la saison 2. J'ai rattrapé tout mon retard et n'ai rien raté depuis. Ben, merci. Je suis une femme dans la trentaine habitant en région parisienne. Aujourd'hui, mère au foyer. Il y a quelques années, je travaillais encore, entre autres, dans le prêt-à-porter. J'ai eu des expériences traumatisantes, dont une en particulier, dont j'ai envie de vous faire part. Cette envie m'est venue suite au courrier d'un auditeur et du témoignage d'un des participants de l'émission, Astérix, je crois, qui parlait de leur mésaventure au travail au contact des nègres et des bougnoules qui les avaient menés jusqu'au licenciement. Leurs témoignages m'ont marqué, car j'ai vécu une expérience similaire à croire que ce bordel est devenu normal. J'ai travaillé plusieurs années en tant que vendeuse dans un très gros magasin situé dans le quartier PD de Paris. Cet endroit immense et très sale visait plus particulièrement la clientèle hipster et PD. Le propriétaire juif recrutait quasi exclusivement des bougnoules et des noirs pour les postes les plus difficiles et mal payés, des jeunes mecs stylés et des jeunes meufs un minimum sexy pour vendre sa camelote. Les juifs et l'exploitation sexuelle des goyes, une grande histoire. L'ambiance y était exécrable. L'équipe dirigeante était composée d'un vieux boomer punk ivrogne et toxicomane complètement frappadingue qui usait de violences verbales, menaces et pressions morales en tout genre sur les clients, oui, et l'équipe de vente, surtout sur les blancs. Ils faisaient copain-copain avec les nègres pour obtenir leur docilité et pouvoir mieux les traiter comme des esclaves. Il y avait aussi son bras droit, un jeune blanc un peu paumé au comportement lourd avec les femmes, soupçon de pression sexuelle avec mise à l'écart en cas de refus. D'ailleurs, ce dernier s'est mis à tronchait de manière régulière une des vendeuses bougnoules qui est rapidement montée en grade. Elle restait en caisse, ne touchant plus un carton poussiéreux. Fidèle à sa race, cette crouille était folle, sans gêne, vulgaire, menteuse et surtout ultra agressive avec les autres femmes, allant jusqu'à se battre avec une cliente qui était venue la confronter après l'avoir entendu la traiter de grosse pute en la voyant passer dans la rue pendant sa pause clope. Elle était aussi très méprisante. Je me souviendrai toujours de cette fois où elle m'a expliqué qu'à notre place, les vendeurs, dont elle faisait partie à l'époque, elle n'aurait jamais accepté de travailler pour ce salaire de chien. Manière subtile, typiquement sémite, de me faire comprendre qu'en plus de piquer le job d'un Français de souche, elle se faisait payer plus pour en branler moins. Au bout de 2 ans, et 1000 incidents plus ou moins graves, bagarres, insultes, flagrants délits de prise de drogue sur le lieu du travail, j'ai même une fois récupéré un pochon d'herbe qu'il avait fait tomber de sa poche, le vieux punk à chien a été viré. Et c'est la bougnoule qui l'a remplacé. Elle se permettait déjà beaucoup de liberté sans avoir de pouvoir, mais là, la digue avait été ouverte. Elle s'est mise à hurler sur les vendeurs, insulter les vendeuses, faire en sorte de rendre les conditions de travail encore plus difficiles qu'elles ne l'étaient. Et surtout, elle s'est mise à étaler sa vie sexuelle, elle se disait bisexuelle et insistait pour nous montrer ses tatouages sur les seins. Elle se faisait aussi livrer du cannabis par des racailles flippantes sur le lieu de travail. Cette bougnoule voulait vraiment prouver qu'elle était intégrée à la République judéo-bolchevique. Vous aurez compris que je la tenais à distance, surtout qu'elle me détestait et avait fait part à tout le monde de son projet visant à me faire virer. Elle multipliait les provocations à mon encontre, espérant me pousser à la faute. Elle y est arrivée un jour, lorsque je rentrais en pause déjeuner. Nous avions l'obligation de noter notre heure de retour sur un cahier situé en caisse, chasse gardée de cette bougnoule. Alors je tente de me glisser derrière elle pour atteindre le cahier, et là, elle se retourne et me dit « Dégage de là, toi, t'as rien à foutre ici. » Je l'ignore. Il y avait des clients et je ne souhaitais pas faire tant d'esclandre. Et je continue d'attendre qu'elle se pousse pour que je puisse pointer. Chaque minute de retard était prise sur le salaire, évidemment. Et là, elle se jette sur moi, m'attrape par le bras en me forçant à sortir de derrière la caisse en me disant tout bas et d'un air ultra menaçant « Moi, je t'ai dit, tu vas dégager de là tout de suite. » Je me résigne. Et la regarde avec un air de pitié en secouant la tête et lui disant qu'elle est complètement tarée et qu'elle vient de me brutaliser physiquement en plein sous les caméras. Elle me répond que les caméras fonctionnent pas et qu'elle peut m'exploser la gueule si elle veut. Un truc du genre « Mais fais bien gaffe à toi parce que moi je te défonce quand je veux ». Je lâche alors un « Mais je m'en bats la race de ta gueule ». Oui, je parlais comme une racaille, on s'adapte à son environnement. En soupirant et je retourne travailler sans avoir pointé. 2 heures plus tard, un des vigiles du magasin vient me chercher, me demandant d'arrêter tout ce que je fais et d'aller prendre mes affaires. Il m'accompagne même jusque dans mon casier. Un des sous-fifres de la bougnoule en chef vient me remettre un papier mentionnant une mise à pied conservatoire. Le vigile m'a raccompagné jusqu'à la porte comme si j'étais un bandit, non sans avoir fouillé mon sac pour vérifier que je n'avais rien volé. Plus tard, j'ai reçu un papier expliquant que j'étais viré pour faute grave, propos raciste. En effet, j'avais dit le mot « race » avec « je m'en bats la race ». Mais je crois que ce qui est vraiment raciste, c'est de ne pas se soumettre au premier bronzé qui se pointe et devient votre patron en suçant des bites. J'aurais pu aller au prud'homme, je ne l'ai pas fait par lassitude et envie de laisser ça derrière moi. Mais après avoir entendu des témoignages similaires à mon expérience, je me pose sincèrement la question, les proprios juifs de la chaîne de magasins n'auraient-ils pas donné le feu vert à cette saleté de chamelle pour inventer des propos racistes afin de se débarrasser de moi? À combien d'autres blancs durs à la tâche cela est-il arrivé? Bref, ça m'a dégoûté du monde du travail et a poussé vers la vie de mère de famille. C'est un mal pour un bien. Mon courrier étant bien trop long, je vous laisse le raccourcir si vous le trouvez. Non, ça va. Assez intéressant pour être lu à l'antenne. Sur ce, cher démocrate, je vous souhaite tout le bonheur blanc du monde. Sic la fashionista. Très beau courrier, je remercie notre auditrice de nous avoir écrit, et une très, très, bon, c'est triste quand même comme affaire, mais c'est très vrai, très authentique comme histoire vécue dans le monde du travail, ça m'intéresse toujours beaucoup. Alors, est-ce que, je vais citer tout de suite les réactions, et alors c'est vrai que c'était parti de toi Astérix, puisque tu, en fait, t'as connu carrément la même situation, en fait, à peu de choses près. Qui veut réagir? Ouais, je vais commencer, alors tu as dit que c'était une histoire, bon, assez triste. Mais histoire quand même qui se finit bien, hein, parce qu'au final, notre... Oui, oui, fils, oui. Maintenant, il est mère de famille, mère au foyer, peut-être. Et raciste. Et raciste. Raciste, bon, je pense qu'elle l'était peut-être déjà un petit peu, mais c'est vrai que ça a dû jouer. Ça l'a amené vers la démocratie participative. Oui, voilà. Donc c'est vrai que c'est une belle lueur d'espoir en tout cas. Après sur le camp lui-même. Alors bon, ça me surprend plus vu les témoignages d'Astérix et des auditeurs qu'on a eu à ce sens-là. C'est-à-dire que dès que tu as des métèques à des oui, qui bosse avec toi, il cherche à te niquer, quoi qu'il arrive. Ce sont des dépravés. Alors là, n'en parlons pas, les beurettes. Quoi. C'est vrai que la beurette, c'est peut-être la... Bisexuelle, calvée, ouais. Tatouée sur les seins. Bon, voilà l'ambiance, oui, quoi. Oui, puis qui doit... Qui les doit vertus sur... de l'islam. Voilà. Je crois que la beurette, c'est l'être républicain par excellence. Quoi. Au bout du bout, il y a ça, quoi. Donc là, bon, on a bien le parcours, c'est-à-dire la beurette ultra vulgaire qui arrive à faire, qui est là à vouloir faire chier tout le monde en astiquant son boss, quoi, littéralement, et qui ne peut, qui voit une blanche là, et puis bon, ben, la blanche, il faut c'est l'ennemi, il faut la, c'est pas la tuer mais presque, quoi, hein. Oui, puis c'est sans raison, hein. Enfin, je veux dire, bon, ouais, sans raison, voilà, les blancs doivent dégager. Oui, puis c'est une agressivité totale, c'est à dire bon, tu pourrais avoir des raisons économiques de virer des gens, tu sais, des fois bon, tu les pousses à la faute un peu, mais là c'est la rage bougnoulique, quoi, hein. c'est la race qui s'exprime, hein. Qui d'autre sur cette mésaventure sur le lieu du travail donc en fait, où on voit les paradigmes raciaux rentrer en ligne de compte, hein, dans le quartier à PD en plus. Et ça devient vraiment... Je crois que le quartier... Quoi, si c'est à Paris, le quartier à Fiot est aussi le quartier à Juifs. Oui, oui, ça se touche. Par beaucoup d'aspects. Les lieux de pouvoir, hein, c'est... Voilà, c'est oui, oui. Comme à l'Assemblée nationale, hein, c'est des lieux comme ça. Ces gens-là aiment se côtoyer. Oui, mais la place de la République, c'est pas trop loin non plus, je crois. Non plus. Très. Ce que j'ai trouvé marrant, moi, c'est qu'en fait, quand tu fais de l'appropriation culturelle, donc quand tu parles comme un bougnoule, c'est raciste. C'est oui. Officiellement considéré comme raciste. Donc parce qu'effectivement, le terme « je te nique ta race » ou « je m'en bats la race », c'est typiquement bougnoule, ce terme. Moi, j'ai jamais... J'ai très rarement entendu un blanc parler comme ça, et si c'est le cas, il est lucide, quand il n'est pas, emporté par la colère, c'est un bougnoule mental qui parle comme ça pour moi. Tout à fait. Alors la question qu'elle se pose en fait, c'est est-ce qu'il y a une stratégie derrière ? Bon bah là, dans son cas, bah, on peut pas répondre, hein, parce qu'il faudrait davantage d'éléments. Mais moi, j'ai tendance à le croire que oui. Surtout avec les sémites, il faut toujours partir sur la base du pire des scénarios. Plus c'est tordu, plus c'est probable avec eux. Donc je crois très probablement effectivement au fait que parce que ça allait trop vite, ça va trop vite. On n'est pas viré en 2 heures de temps sans qu'il y ait connivence. Donc en réalité, le Youpin et sa traînée maghrébine, en fait, avait déjà ourdi ça depuis longtemps. Alors, le pourquoi du comment, vous ne le saurez jamais. Vous ne le saurez jamais, parce qu'avec les sémites, vous ne pouvez jamais savoir pourquoi. Ils haïssent les Blancs, il n'y a pas besoin de leur demander, en fait, la raison, le pourquoi du comment. Mais il faut le savoir. Les sémites haïssent les Blancs, c'est racial. En général, c'est de la jalousie. C'est-à-dire que, voilà, telle aussi. Nana, par exemple, les vendeuses, elle va bien... Enfin, les clientes vont bien apprécier aller vers elle. L'autre, elle va être jalouse parce que bon, oui, ouais, oui. C'est une arabe vulgaire, donc bon, ça attire pas la même clientèle, tu vois. Et puis le même portefeuille. Donc elle me pique mon fric, tu vois. Elle me pique mon fric. Ça c'est donc jalousie. Et puis là, bon, c'est pour une histoire de podium. Ça aurait pu être pour une histoire de mec ou enfin voilà. Toujours, ces gens-là sont jaloux. Hein. Ils sont laids, ils sont ce sont des tricheurs, on va peut-être en parler un petit peu plus tard. Ils jalousent, ils nous jalousent absolument, quoi. Surtout. Je vous propose de passer à la rubrique suivante, rubrique numéro 3, autisme radical. Est-ce que vous vous rappelez d'Ameline, en Belgique, dans la ville de Spie? Peut-être que vous en rappelez pas. Peut-être. Est-ce que les auditeurs s'en rappellent? Ah, peut-être pas. C'était cette Belge qui se saignait aux quatre veines, qui consacrait tout son argent pour accueillir des nègres. Alors, moi, je des nègres clandestins, des migrants. Hein, donc, oui, je propose. Et pas comme peu, c'est-à-dire, c'était des dizaines et des dizaines de nègres. Quoi. Oui, même des centaines, en fait. Hein. On écoute juste une réédition, simplement, du reportage de l'époque, il y a quelques mois, qui en parlait, comme ça, rétrospective, comme ça, nos auditeurs sauront de quoi il s'agit. Mais on se retrouve tout de suite après. Quand je les ai vus la première fois en 2017, ben oui, j'étais effrayée parce que j'en ai vu une vingtaine devant ma porte. J'ai décidé de les aider en 2017 en novembre, car il y avait des bébés de 6 mois, 9 mois et des femmes enceintes, qu'ils avaient froid, qu'ils avaient faim. Et les voir venir toquer à ma porte qui crevait de faim, ça c'est pas possible pour moi de les laisser comme ça. Si j'ai préparé donc des pâtes pour aujourd'hui midi, et donc ils vont avoir aussi de la tomate qu'on a fait fraîche pour eux. C'est ma maman et moi qui paye, donc on va chez Colreuil chercher de l'eau, des pâtes, de la tomate, des oignons. Finish, hein. Ça va? Oui, ça va. À minuit et demi, ils viennent rechercher leur GSM qu'on a pu recharger chez leur famille, comme ils disent, et puis ils partent au parking de Spi. I've been about 3 months here in Belgium. Every night I try to England. I don't like this risky, but I don't have another opportunity here. En Soudan, Libye, il y a des femmes qui sont fait violer. Eux sont fait taper. Ils ont des cicatrices sur eux, vraiment, qui me font vraiment mal au cœur, parce que voilà, c'est des gens comme nous, c'est des humains, c'est pas des bêtes. Personnes, c'est pas possible aussi. Donc, et dans les petites tentes comme ça, à 5 personnes sur eux, ça va pas non plus pour eux. Retirer les tentes, ben, on ne voulait pas, mais on va devoir le faire. Et déjà, il y a des voisins qui rouspètent parce que voilà, il y a un camp des migrants à côté de chez eux. Ils appellent tous les jours la police. On a besoin un peu de dons quand même, parce que mon salaire passe pour eux, mais ça sera plus possible pour ça, car ça fait 2 ans que c'est comme ça et il y a un moment qu'il faut lâcher. Alors, il y a du nouveau, messieurs, il y a du nouveau. Alors donc là, c'était le conte de fées, le conte de fées. Bon, voilà, elle est au milieu de ces créatures, et c'est Sudinfo qui nous en donne davantage. Ce week-end, un post sur les réseaux sociaux a fait polémique à Gemep-sur-Sambre. En effet, la famille Simon Audi, qui depuis 2 ans et demi aide les migrants installés près de l'aire d'autoroute de Spi sur la E42, a décidé de tirer la sonnette d'alarme. La situation avec certains migrants semble s'être complètement dégradée, à un tel point que la famille qui a accueilli chez elle des dizaines de personnes a décidé de stopper toutes les aides. Ils ne veulent plus accueillir personne. Et c'est avec un pincement au cœur qu'ils ont pris cette décision. Alors qu'elle les aidait depuis 2 ans et demi, certains migrants semblent avoir dépassé les bornes. Violence, agressivité, incendie volontaire, la situation n'était plus vivable. Alors messieurs, donc appel, annonce, j'arrête d'aider mes petits protégés, qui sont quand même toutes des centaines, qui ben maintenant essayent d'incendier ma maison en remerciement, voilà. Alors je la décris quand même pour ceux qui n'ont pas eu le loisir de la voir, c'est quelqu'un qui est assez svelte, c'est une femme assez fine, qui est dans sa trentaine j'ai l'impression, début de trentaine plutôt que de fin de trentaine d'ailleurs. Qui est blonde, décolorée, qui aime assez, dans le reportage que nos auditeurs ont entendu, déambuler parmi les Afghans, les Pakistanais, oui. les Centrafricains, les Guinéens, les Gambiens. Hein. Elle aime alors, ça, la proximité. Elle apprécie déambuler en plein hiver en jupe. Parmi ces... Oui, oui, voilà. Courte, hein courte, cette oui. jupe. Oui. Voilà. Et donc, bon, elle consacrait tout son argent. Peut-être que parmi nos participants, d'ailleurs, peut-être que vous saigneriez aussi aux quatre veines, langue de vipère, si vous deviez accueillir 100 ou 200 migrantes ukrainiennes, biélorusses. Voilà, on ne sait pas. Voilà, il y a peut-être quelque chose là. Mais c'est fini. Voilà. Les nègres et les bougnoules, restent des nègres et des bougnoules. C'est surprenant quand même. Moi, je tombe un peu de ma chaise. Alors, du coup, elle appelle au secours, à l'aide. Je sais plus comment faire. Alors, qui a envie de cracher sur cette grosse conne? Bah, cette grosse conne en question, tu penses bien que si les mecs là ont fait du foin dans un sens ou dans l'autre, il n'y a pas que chez elles qu'ils ont fait du pétard. Ils en ont fait aussi dans le hameau là. Dans oui. Village. Ce qui fait que, à mon avis, elle a dû avoir des retours de flamme de la part de ses concitoyens. Pas les nègres, hein, non, les blancs. À mon avis, c'est ça qui s'est passé. On est tous citoyens du monde, Fulbert. Oui, bien sûr, oui. Toi peut-être, mais pas moi. Hein. Déjà, à l'époque, elle disait, ouais, c'est bizarre, les voisins me regardent bizarrement. Ah, sans déconner, elle faisait de l'élevage de nègres. Ouais. Ah oui, c'était industriel. Hein. C'est-à-dire que c'était là, bon, il y en avait qui rentraient, ils sortaient, les petits qui avaient des portées de nègres. Enfin, oui. Non, mais c'est une usine, moi, pas loin de chez moi, dans mon village natal, il y a des gens qui font de l'élevage de poulets en plein air. Il y avait moins de poulets dans ces élevages-là que de nègres dans sa basse-cour à elle. Faut voir le truc pour le croire. Et en plus, elle était d'un côté de l'autoroute, quoi, si on veut. Et ces espèces d'ahuris là, de nègres et d'orientaux, ils traversent les rues, ils traversent l'autoroute comme ça, à pied, en vrac, hein, ils s'en foutent, hein, ils regardent pas. Hein. Et alors ils vont de l'autre côté, parce que de l'autre côté, je sais passer je ne sais où encore. Et alors en fait, ils venaient, mais comme des animaux, hein, ils venaient à la gamelle le midi et le soir, celle-ci qui claquait tout son argent gagné par son travail là-dedans. Et au bout de 2 ans du cinéma, elle dit bah, « c'est bizarre, les voisins, ils se plaignent. » C'est étonnant, oui. Ouais, c'est vrai. Que c'est ah, ça, et puis bon... Non, mais là, il y a un problème. Des nègres qui foutent pas, le feu, tiens, c'est bizarre. Oui, c'est curieux. Oui. Ouais, puis, attends, elle n'a pas tout raconté son histoire. Moi, je serais pas étonné qu'il y a quelques bougnoules qui aient voulu passer dessus, elle a dit non, ça a commencé à mal tourner, vous voyez ce que je veux dire. Oui, ou le sida. Non, mais je pense que... Le singe vert. Ah, faut voir que c'est une famille, c'est-à-dire que tu avais cette oui, la vieille. Tu avais la vieille et tu avais, je crois, le. Alors, je sais pas si c'est un mari ou quoi que ce soit, enfin, le type qui. Je crois qu'elle a eu un gosse, elle était enceinte, la poule, là. Et donc, bon c'est. Oui, enfin, je sais pas, ça me parle. Mais c'est possible que, oui, ça soit plutôt une réaction de la mère qui en a eu marre que. Que la fille là bon c'est vrai que non mais déjà la négroculture bon c'est oui c'est ouais ça va c'est oui c'est intéressant ça, non ça mais en plus c'est juste voilà ça il y a eu des tensions voilà mais en fait pour peu que tu lui rallonges un peu d'argent ça pouvait durer pendant 20 ans comme ça le cinéma. Ah oui un peu d'argent puis un petit coup de bite puis enfin, voilà c'est ça hein voilà, petit, ouais. Quelques centaines. Non mais mais je veux dire il y a la folie c'est la folie des gens est quand même incroyable. Qui veut me parce qu'on en a comme ça les militantes là pro-migrants là on en a quand même un certain paquet. Hein. Ben, oui, il y a le frère aussi. Oh, pardon, vas-y, Derek. Non, vas-y, fais-le. Ben, il y a le contraire aussi. Petite anecdote, comme ça en passant, puisque moi, j'habite pas exagérément loin de chez la personne dont vous parlez. J'ai eu l'occasion de discuter avec une marchande de crème glacée. Vous avez certainement aussi ce système chez en France où vous avez un marchand de crème glacée qui fait le tour des villages et du patelin pour vendre ses crèmes. Et il n'y a pas longtemps, il y a une marchande de crème qui passe là devant chez moi et je lui achète une crème. Et je vais un petit peu discuter avec elle et je la mets sur la bonne fréquence. Là. Elle était bien tournée, moi aussi. Et je lui dis, vous devez en voir parfois des trucs quand même. J'ai rencontré des tas de gens qui vendent des crèmes. Ah, monsieur, si vous saviez. Je lui dis, les nègres, là, vous devez en voir aussi. Ils aiment la crème, les nègres. Vous n'imaginez pas qu'elle me fait. Elle commence à percuter dans mon jeu. Incroyable ce qu'elle m'a sorti, ce qu'elle m'a raconté avec les négrillons infernaux dans, je ne dirais pas le nom du patelin, dans le patelin à côté où il y a toute une, je ne vais pas dire une communauté, mais il y en a de plus en plus. Le grappe, ça s'appelle une grappe, Fulbert. Une grappe, ah bon, d'accord. Une grappe de nègres. Une grappe, ah d'accord. Et, enfin bon, elle m'a sorti quelque chose. Et je pense que les gens du petit village là-bas, Spi, où se trouvait celle qui collectait les nègres, à mon avis, il va en avoir vraiment marre. Moi, j'ai l'impression qu'elle risquait plus avec ses concitoyens qu'avec ses nègres. C'est ce que je crois. Vous n'avez pas entendu parler de cette histoire-là du ministre norvégien de la pêche qui s'est fait gauler à importer du migrant pour les enculer dans son chalet. Je crois qu'il y avait un maire français aussi qui faisait ça. Bah, je crois que les pro-migrants font ça, en fait. c'est ce qu'on appelle l'altruisme intéressé, Gandalf. Hein, ouais. C'est ça, oui, c'est tout à fait. Non, mais c'est fascinant, je veux dire. Vous avez aussi l'allemand, le troll, Shrek, qui gère le Sea-Watch 3, ce qui oui. Oh, 20, putain, je ne oui. sais pas, et qui importe des créatures de Libye. Vous n'avez pas vu les, mais pas de Libye, du sud de Libye. Ouais. C'est même oui, enfin de Soudan, de enfin de tout quoi. Et vous n'avez pas vu la morphologie de cette créature là aussi là. D'abord, on dirait un bonhomme, elle a des sourcils mais épais comme mon avant-bras, enfin, c'est incroyable. Et alors, elle a fait tout son numéro. Alors, mais, enfin, ces pro-migrants sont vraiment des... C'est vraiment le bas du panier de la race blanche. C'est vraiment le bas du panier de la race blanche. Je crois pas que c'était un transgenre, peut-être. C'est suspect, hein. Elle avait des dreadlocks. C'est-à-dire qu'elle ressemble à Klaus Kinski, mais sale, tu vois. Ouais, sale. Alors, par contre, j'ai appris que son père était un marchand d'armes qui vendait des armes en Afrique. Comme quoi, hein. Comme quoi. Ouais. On peut pas être sûr de ce que vont donner ses enfants. Donc. Non, c'est pas trop ça. Je pense que là-dessous, il y a la gestion en fait post-conflit, à mon avis. Tu vois. Oh, je sais pas. Ah, c'est un tout, je pense. Parce qu'elle était pas en. Parce que j'ai vu des photos familiales là récentes. C'était pas quelqu'un qui était « Ouais, mon père, c'est un facho !» Non, hein, c'était bras dessus, bras dessous, tout le monde rigole. Elle était avec ses dreadlocks, le vieux daron, et ça. Toute cette affaire est très, très louche. Et il y a son nom qui est louche aussi. Parce que quand on s'appelle raquette, fusée, bonsoir, quoi. Ouais, c'est sûr. Derek, ouais, tu voulais dire? Non, mais pour le fait qu'elle soit la fille d'un type qui vend des armes en Afrique du Sud, c'est ça? Non, en Afrique. Ah, en Afrique, ah oui, d'accord. Afrique. Oh, voilà, c'est quelqu'un qui vit, tu veux, des conflits en Afrique, dont peut-être celui de Libye, on ne sait pas, hein, déclenché par Bernard-Henri Lévy. Et Bernard-Henri Lévy qui s'est mobilisé d'ailleurs sur les réseaux sociaux en faveur de raquettes. Hein, en disant il a essayé de présenter ça comme la passionnariat des migrants. Écoutez, permettez-moi simplement, puisque je parle des youtres, et que j'en dis du mal, de parler brièvement peut-être un petit peu d'Israël. Là, il y a des émeutes raciales en Israël, ça se passe pas très bien oui. avec les Éthiopiens. Oh mon Dieu. Quel silence de cathédrale que Bernard-Henri Lévy observe. Ça m'a touché. Ouais, les flics se mettent à calibrer du nègre, les flics israéliens. Là, j'ai jamais vu une police. Mais... Oh, c'était magnifique, c'est du dressage de nègre, on n'avait jamais vu ça. Faut dire que les nègres, ils s'en sont donnés à cœur joint entre nous, soit dit. Hein. Oh putain. C'est l'éthiopien, ça ressemble racialement. Somalien, C'est des cousins, tu vois. C'est la piraterie, mais sans la mer, tu vois, c'est pire. Ça fait la razzia dans l'espèce de désert. Désert montagnard avec des trucs, t'as des lacs au gaz, des lacs d'acide, tu vois, en Éthiopie. Ah oui, il y a ça là-bas. C'est Mars c'est un peu comme la planète Mars. Voilà, c'est ça. Tu vois, ces machins qui vivent là et qui, bon. Ils boivent de l'acide, tu vois. Et ils arrivent là, et puis ça fera des Français. Hein. Ah bah là, non, des Israéliens là. Je pense que Israël trouvera un moyen de traiter de manière humanitaire. La France, c'est déjà, c'est un district israélien, donc oui, c'est tout à fait envisageable. Hein. Oui, moi je pense que ces gens-là sont appelés à devenir français. Hein, ils sont appelés à devenir français. Oui, ça, c'est très rapidement. Oui, dans les 15 jours, quoi. C'est ça. Peut-être un petit peu. Quelqu'un veut dire quelque chose sur ces émeutes en Israël avec les Éthiopiens, là dont j'ai appris qu'ils ont à peu près 70 de QI en moyenne, d'ailleurs. Ça m'a pas étonné, mais c'était intéressant à observer, quoi. Non, pas spécialement. Bon. Je pense qu'on va suivre cette affaire de près au niveau de l'antiracisme. Je suis très étonné du silence observé par le CRIF, aussi de la LICRA, très étonné. Je n'ai pas entendu de voix juive influente pour parler. Alain Finkielkraut ne s'est pas exprimé. C'est bizarre. La pudeur, quoi, hein, je pense, c'est la pudeur là, qui est la pudeur juive. La pudeur occidentale. La pudeur serait occidentale. Serait-ce un double discours ? Bonne question, cher Ferdinand. Bonne question. Est-ce que c'est plus facile de parler des questions raciales quand on est juif en France, peut-être pour les attiser, qu'en Israël ? Je ne sais pas. La question est posée, la question est ouverte, messieurs. Faisons une pause musicale et on se retrouve tout de suite. Ah oui ? Alors oui. Avant la pause musicale, je vais inviter nos auditeurs à un moment de recueillement. Oui, il faut respirer. Voilà, parce que bon, il y a quand même une tragédie là, tout récemment. Une humaine, Eva Moses-Cor, qui avait survécu à l'indicible. Au gazage par Adolf Hitler. De 6 milliards de juifs à Auschwitz. Donc elle avait échappé à ça. Et elle avait été à Auschwitz. D'accord. La piscine, l'orchestre, etc. Le club de foot. aussi. Oui, le club de foot. On n'en parle pas. Le foot féminin, hein, ça va commencer peut-être. On tuait les juifs. jusqu'à être exténués. Hein, voilà. Le club de polo. Le water polo. Oui, voilà, la noyade. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Donc cette martyre, hein, Eva Moses-Cor, est finalement décédée à Auschwitz. Du coup, lors de son voyage annuel, parce qu'elle s'y rendait toutes les années, toutes les vacances, hein, c'était tellement horrible que bon, tous les juillets, allez hop, c'est parti. Et donc elle a fini par crever à Auschwitz. Du coup, c'est la 6 millionième. Une victime de la Shoah. Voilà. Est-ce qu'elle avait été témoin des chambres à gaz où personne ne peut s'échapper, mais en fait il y a plein de témoins. Est-ce que elle a bah, de l'intérieur. Elle les a vécues de l'intérieur des chambres à gaz. D'accord. Et oui. Puis elle est sortie pour témoigner. Mais là, ouais, visiblement, elle avait bien aimé, donc là, elle est repartie. Par contre, elle n'est pas revenue, apparemment. Non, mais ça, c'est... Voyage annuel, hein. C'est un voyage annuel. Que ah c'est, non, ça, c'est un voyage définitif. Il y en a, tu vois, ils vont... tu vois, le voyage annuel, ils vont à la montagne, ils vont à la plage. Et... putain, d'autres, ils vont en ploy, quoi. Putain. Ah, Goy, paye, Goy, paye-moi, Goy. Oh, putain, sale race. Bah, mais bon, j'ai vu un article, je crois que c'est dans Slate, bien connu là de Jacques Attali. Oui, propriété. Et l'article disait que elle affirmait avoir depuis 3 ans pardonné aux Allemands. Ah oui, mais pas aux nazis. Ah oui, je n'avais pas fait la distinction. Tu as remarqué qu'elle leur a pardonné du moment où ils ont commencé à se faire envahir de Syriens, tu vois. C'est... Il y a un lien. Oh, c'est l'altruisme juif. Quelle humanité. Quoi. Ouais, quand ils ont commencé à accepter de mourir, en fait, elle a commencé à dire ah, après tout. Ah oui, je vous pardonne. Vous allez crever, non. Elle a pas dit qu'elle pardonne, elle a dit qu'elle commençait à pardonner. Ah oui. C'est un processus. Il faut savoir que. Bon, c'est du pardon quand même moyennant finance, hein, parce que le juif, c'est un animal particulier qui a des souffrances morales que tu peux soigner avec l'argent. Voilà, tu donnes un petit billet et voilà, c'est un peu comme voilà les sorciers africains. Ça, tout de suite, ils se sentent mieux après le juif. Et bon, oui, après, tu t'en files plein, quoi. C'est sans fin. Ah, j'ai remarqué ça avec les juifs. Effectivement, ce sont des gens qui associent drame personnel, drame familial, drame émotionnel et argent. J'ai jamais vraiment. Non, mais spiritualité, tu as le fameux billet du Rabbi Lubavitch. Hein, c'est vrai. Le dollar du Rabbi. Tapez dollar du Rabbi dans Google, Charlie, vous allez vous régaler. Hein, c'est de explosion d'huile. Hein, c'est au bout du Patrick Bruel au carré. Quoi, hein, c'est les miracles du dollar. Quoi, au secours. Je confesse que. Après avoir vu cette vidéo, je n'ai plus tout à fait feuilleté la Bible de la même façon. Tu veux dire la Torah ? L'Ancien Testament, oui. Tout à fait. Tu n'oublieras pas de mettre Gandalf en pause musicale. Dalida, je veux mourir sur scène. Ah oui, ça fait sens. Oui, effectivement, cher Pierrot, les grands artistes. Sur scène, évidemment. Bon, bah, elle est morte à Auschwitz. Oui. Est-ce qu'elle a payé son ticket cette fois-ci? Ah, bah non, c'est les Boches qui payent. Ah, d'accord. Bah, la Lufthansa. J'aurais préféré la Luftwaffe, mais bon. Oui. Bon, ben, sur ces bonnes nouvelles, je vous propose de faire une pause musicale et nous retrouver pour la deuxième partie de l'émission, tout simplement. Et ben voilà, c'est parti. Thank you. Nous revoici, chers amis, pour notre deuxième partie d'émission de Démocratie Participative, saison numéro 4, épisode 27. Alors, rubrique numéro 4, et pour ne pas descendre du train trop vite, on continue avec les sages juifs de la semaine. Alors, ça a fait le buzz, c'est le cas de le dire. Je confesse même que nous avons reçu beaucoup de courriers sur cette seule affaire. Tout d'un coup, un torrent. Des gens ont été choqués. Oui, des gens ont été choqués par les juifs. Énervés, oui. Par l'éducation nationale. Par l'éducation nationale. Mais non, mais c'est vraiment, ça a été un flot, quoi. Ça a été un flot. On s'est demandé. Alors, le suspense doit arriver à son terme, et je cite maintenant le Parisien qui nous relate l'affaire. Alors que vous savez, nous sommes en pleine période d'examen, baccalauréat bien sûr. Alors, je lis, hein. La fuite est identifiée, mais l'affaire n'est pas forcément terminée. Après une enquête express, plus d'une vingtaine d'interpellations en région parisienne et à Marseille, Bouches-du-Rhône, les enquêteurs de brigade de répression de la délinquance contre la personne BRDP. Ah, DP. Notez ça. Sont convaincus de savoir comment des sujets du baccalauréat ont fuité avant l'épreuve. Ce vendredi, un surveillant du lycée privé Ozar Hatorah de Créteil, Val-de-Marne, a été mis en examen pour complicité de fraude dans un examen, a-t-on appris auprès de son avocat et du parquet de Paris. Sa compagne a été mise en examen pour le même motif. Deux lycéens soupçonnés d'avoir acheté les sujets ont eux aussi été présentés à un juge d'instruction et mis en examen. D'autres lycéens de cette institution, confient des sources concordantes, avaient déjà été entendus et remis en liberté ces derniers jours. Placé en garde à vue jeudi et entendu de 20h jusqu'à 5h du matin vendredi, F, surveillant de 37 ans, a reconnu avoir confié l'intitulé d'un sujet de géographie à un élève. Quelques jours plus tard, il a photographié l'épreuve de mathématiques avant de la transmettre à un ou deux élèves du lycée Ozar Hatorah. Le cliché, largement diffusé ensuite, avait été pris au sein du lycée Ozar Hatorah, qui accueillait des épreuves du bac où les sujets étaient censés être gardés dans un coffre jusqu'au jour J. Oui. Le surveillant... Putain, j'ai jamais pensé à ça, mais le 6 juin 44, le fameux jour J, en fait... Oui. Non, non, mais je m'égare, mais en fait, je fais des rapprochements en étudiant le dossier. Alors, le surveillant a-t-il pu accéder au coffre? Les sujets ont-ils été déplacés prématurément? De nombreuses questions qui restent en suspens. Une autre concerne le mobile. Selon nos informations, F a en effet nié toute velléité commerciale. Il a juste admis avoir reçu un peu d'argent en guise de remerciement. Quoi? Non mais alors, c'est le Talmud, tu vois. Comment alors, ça, le Talmud? Quel rapport? Tu n'as pas le droit d'allumer la lumière, mais bon, si sans faire exprès, tu tombes sur l'interrupteur, bon, mais voilà, ça va, tu vois. J'ai pas été payé, mais quand même, j'ai reçu de l'argent. Alors écoute, nous allons procéder à un travail d'exégèse après l'article. Ton expérience sera des plus utiles. Alors si l'argent n'est pas le nerf de la guerre... Non, c'est vrai que cet article, j'ai quand même dû me pincer pour pas rire à chaque fois. Hein. Bon, alors si l'argent n'est pas le nerf de la guerre, comment expliquer cette fuite? Mon client a été pris en tenaille entre la situation d'un établissement privé qui a besoin de résultats et des élèves avec qui il cultive une proximité au quotidien et qu'il peut facilement contacter, confie maître Samuel Habib, avocat du surveillant. Durant sa garde à vue, F aurait, selon nos informations, glissé aux enquêteurs qu'il s'était senti acculé par sa hiérarchie. Pour perpétuer les habituels très bons résultats de l'établissement de Créteil, qui frôle ou atteint tous les ans les 100% de réussite, à l'exception notable de l'année 2018, son employeur lui aurait fait comprendre, sans parler frontalement de triche, qu'il serait bon de donner un coup de main à quelques élèves en difficulté. Mon client n'est mis en examen que pour la complicité, c'est notable, glisse maître Habib. Les enquêteurs vont désormais pouvoir travailler en toute sérénité sur les suites de cette affaire. C'est toute la complexité de ces lycées privés qui organisent le bac et fondent leur réputation sur les résultats, glisse un proche du dossier. Jusqu'où vont-ils pour aider leurs élèves ? Contacter l'institution OSA... C'est Osaratora ou Razatora ? Bah, du coup, je me confonds. Osaratora. Bah, c'est écrit, voyez, ils ont fait une coquille. Contacter l'institution Osaratora n'a pas donné suite à nos multiples sollicitations. Vendredi 21 juin... Oui, la veille de l'opération Barbarossa. Après l'épreuve de mathématiques, F prend conscience de l'ampleur de la fraude à laquelle il vient de participer, car les lycéens à qui il a fourni les sujets ont décidé de les partager. À des amis d'abord, de fil en aiguille, il se retrouve sur des messageries privées et des forums de lycéens. Un bachelier parisien perquisitionné ces derniers jours assure ainsi aux Parisiens que tous les lycéens du 16e avaient eu connaissance de ce sujet le matin de l'épreuve. La diffusion a été rapide. Ce vendredi-là, après l'épreuve de mathématiques, l'éducation nationale avait simplement évoqué des suspicions qui concernent une zone géographique limitée, 3 à 4 établissements en Île-de-France. Voilà. Je vais de ce pas solliciter les démocrates participatifs qui sont... Alors, faites le serment de ne tenir aucun propos antisémite. Non, je déconne. Alors, Ferdinand. Oui, alors, déjà, l'établissement en question, j'ai vu qu'il avait un résultat assez faible au bac. Il y a 73% de réussite. La moyenne nationale, c'est plutôt 80%. Donc là, on est en présence de ces séfarades bacuits qui peinent à avoir le bac. On pourrait dire aussi que le bac, finalement, maintenant, tout le monde l'a, c'est plus très important. Mais il faut savoir quand même que le bac, c'est ce qui va aussi déterminer, notamment la mention au bac, le fait d'après de pouvoir peut-être rejoindre des formations d'excellence, notamment dans les facultés où les magistères, les collèges, ce qu'on appelle collège de droit, magistère de finance, sont conditionnés à l'obtention d'une mention. Donc là, c'est quand même très important. Moi, il y a plusieurs années de ça, un juif m'avait expliqué que l'école juive dans laquelle il avait étudié, qui faisait collège-lycée, laissait s'organiser une fraude généralisée au bac. Donc il m'avait expliqué en quoi consistait la manœuvre. Chaque meilleur élève de chaque matière, par exemple le meilleur élève des maths, le meilleur élève d'histoire, le meilleur élève de français, passait dès le début du bac, aux toilettes. Et il agrafait ou il scotchait la feuille avec un plan, avec des réponses, avec des éléments de réponse aux toilettes. Et après, tous les étudiants, juifs donc de la classe, allaient petit à petit, chacun leur tour aux toilettes pour noter les réponses. Donc déjà, ça, le lycée juif le savait parfaitement et laissait tolérer cette organisation. Alors, là, pareil, on pourrait dire que le bac, c'est parce qu'il y a le plus important, parce que les formations d'excellence aussi, comme tout ce qui est grande école de commerce, grande école d'ingénieurs, il faut passer par des classes préparatoires. Et les classes préparatoires, pour les rejoindre, ça dépend pas vraiment des notes du bac. C'est déjà les dés sont déjà jetés. Ça dépend plutôt de la moyenne générale pendant tout le lycée. Mais il faut savoir que cette histoire de bac là. C'est la partie émergée de l'iceberg. Mais tout au long de l'année, dans les écoles juives, se déroulent des systèmes de favoritisme, des systèmes de triche, qui permettent aussi de booster la moyenne générale. Et après, vous trouvez 2-3 séfarades qui peuvent rejoindre des formations d'excellence et aller parfois jusqu'à rejoindre HEC pour les écoles de commerce, ou alors même polytechnique pour les écoles d'ingénieurs. Parce qu'il faut savoir quand même que, contrairement à ce que les gens pensent, les juifs ne sont pas très intelligents en réalité. Parce que les petites gens, ont toujours l'exemple de leur médecin généraliste qui va être juif. Oui, mais proportionnellement parlant, regardez, les professeurs de médecine, il n'y en a pas beaucoup qui sont juifs. Les spécialistes, les chirurgiens sont très souvent des goyim. Ok, ils ont des médecins généralistes, mais le médecin généraliste, c'est ce qu'il y a de plus bas dans la médecine. Donc, on peut pas dire qu'ils réussissent vraiment. En tout cas, ils sont obligés de passer par la triche pour réussir. Et bon, voilà. Grâce à ça, ils peuvent rejoindre des formations d'excellence. Et puis pour les plus bêtes, au moins ils ont le bac, même si après ils continuent pas vraiment les études, s'ils vendent des tapis comme leur père, et ben au moins ils auront le bac. Mais ce que je veux dire aussi, c'est qu'il ne faut pas laisser aux Juifs ses meilleures places. Il faut que les Aryens, que les jeunes Aryens continuent à travailler, continuent à s'organiser pour avoir les meilleures notes. Et c'est tout à fait, alors, c'est tout à fait faisable, parce qu'on a l'image aussi de Janson de Sailly, le lycée du 16e, qui est totalement en juillet maintenant. Mais je vous dis, les formations d'excellence, il y a quand même énormément d'Aryens encore. Et ce système de triche, pour rejoindre les meilleures formations, on verra ce que ça donne, mais en tout cas, ils n'ont pas encore pris le pouvoir dans ces formations d'excellence. Très intéressante vue d'intérieur, mais je me retrouve dans ce que tu dis, hein. Totalement. Hein. Je ne suis pas un familier du monde de la médecine, mais tout ce que tu dis, c'est très très très vrai. Le mythe de l'intelligence juive. Le mythe de l'intelligence. Ouais, non, pour embrayer sur ce que dit Ferdinand un petit peu sur les études et la tricherie, enfin la tricherie ou les petits arrangements que font les Juifs, tu as aussi les grands arrangements même en fait. Ouais, hein. les grands arrangements par exemple, tu as bon bah, quand tu as celui qui est un peu con dans la famille, famille riche, hein, on va l'envoyer en Israël faire des études de dentiste, hein, parce que il va aller là-bas, il va avoir son diplôme, parce que bon, voilà, c'est comme ça. Et le hasard fait qu'il y a des accords d'équivalence entre les médecins, les diplômes obtenus en Israël et en France. C'est-à-dire que tu vas payer ton diplôme en Israël, tu reviens, tu as ton truc, c'est bon, tu peux exercer. Il y a aussi des accords au niveau des organes. Oui, aussi, oui. C'est ah, par contre, là, c'est que dans un sens. On leur donne des organes, ils nous donnent des dentistes. Enfin, moi, c'est le troc. Hein. Ils ne nous donnent pas que des dentistes, d'ailleurs. Ils nous donnent aussi beaucoup de nègres. Oui, certes. Bon, qui suis-je pour m'en plaindre? Non, mais bon, voilà. Alors, moi, j'ai noté au niveau de l'article, excusez, c'est un mec qui voulait intervenir, que donc le lycée avait de très bons résultats, sauf une année où vraiment c'était très mauvais. Permettez-moi de suggérer que... Oui. Plus que suggérer, que l'année dernière, leur plan de triche n'a pas fonctionné. Quoi. Oui. Hein, bon, parce que... pas davantage cette année d'ailleurs, visiblement. Oui, parce que bon, les Tunisiens, là, les Juifs tunisiens de Créteil, il n'y a pas oui, de raison... Les thunes, parlons un peu des thunes, oui. Mais c'est les thunes, voilà. Bah oui, non, mais ce sont des Arabes, enfin des Arabes, pas des Arabes, mais ce sont des Maghrébins, quoi. Oui. Tu les vois et déjà ils sont Arabes avec une kippa, quoi. Ouais, putain, ils sont noirs, enfin ils sont pas noirs, mais ils sont très bruns, très très très très bruns. Et... Oui, oui, Hanouna Altamat, oui. Et alors? Il ressemble à une Philippe Séguin aussi, hein. Oui, bon, mais il était intelligent, Philippe, je le reconnais ça, c'est une qualité que je reconnais. Ouais, non, mais enfin voilà, tu as ces gens-là, il n'y a pas de raison qu'ils aient un QI supérieur à celui qui sont incroyablement débrouillards et tricheurs. Alors, par contre, permettez-moi un truc, hein, ces gens font quand même preuve, nonobstant leur vice compulsif, ces gens font preuve quand même d'une admirable solidarité raciale. Qui doit nous inspirer quand même. Alors, ce sont des gens qui, dans l'adversité, se serrent les coudes. Alors, bon, en usant des pires tours pour, en fait, tordre le système à leur avantage, c'est un fait et c'est condamnable, mais voilà des gens qui ne se lâchent pas les uns les autres. J'aimerais que cet esprit nous anime tous en tant que Français de souche, oserais-je dire blanc, hein. En cas de difficulté, il faut absolument qu'on se serre les coudes. Alors, attention. Attention, je précise, on ne se serre pas les coudes quand on a commis un crime, bien sûr. C'est un élitisme aussi moral. Mais je veux dire, d'aider la personne méritante et surtout par affinité raciale, à s'extraire de sa situation sociale, ça me paraît le béaba à ce stade, en tout cas au moment historique où nous sommes, quoi. Je veux dire, et les gens, les blancs, je veux dire, font preuve d'un individualisme forcené qui est mortifère. Oui, c'est complètement dingue. Pour reparler de l'intelligence des juifs, on l'a déjà dit plein de fois, mais ça ne concerne effectivement que les ashkénazes, et c'est un type d'intelligence très particulier, mais les champions d'échecs sont tous ashkénazes, hein. Il n'y a pas un seul champion d'échecs, c'est Farabou. Hein. Parce que c'est en fait, leur intelligence n'a été prouvée que par ça. Ils n'ont jamais rien inventé, puisqu'ils n'ont pas un esprit créatif, ils ont une intelligence féminine qui fait que, un peu à l'image des Asiatiques, ils ne sont que capables de reproduire. 99% des inventions sortent de cerveaux européens. On est les inventeurs de l'humanité, quoi. Donc oui, ils sont nuls là-dedans. Leur intelligence ne se démontre pas dans le sport, puisqu'ils savent pas, ils veulent pas courir. Pour eux, courir, c'est pour les chevaux. Donc en fait, leur intelligence ne se démontre nulle part ailleurs, ne se démontre qu'aux échecs. Et aux échecs, ça n'est que des Ashkénazes qui effectivement trustent les premières places mondiales avec quelques Suédois, quelques Français, quelques Russes. Je me permets quand même de mettre un bémol sur ton affirmation, cher Astérix. Ils trustent aussi beaucoup quand même les séfarades, le show business. Ah oui, non, je parlais des Ashkénazes, moi. Ah, non. Il y a une répartition des tâches, mais... on subit quand même un petit peu les Hanouna, les Enrico Macias, les Gad Elmaleh. Bruel. Oui, voilà, ça fait beaucoup, je veux dire, en plus... Moi, je leur en tiens rigueur parce que, je veux dire, moi, je m'en fiche que, je veux dire, que les juifs chantent pour les juifs, ça me va très bien, pourquoi pas. Mais ces gens souillent l'âme des autres. Exactement comme les nègres souillent l'âme des autres, et exactement comme les arabes souillent l'âme des autres. Ils ont cette faculté-là. Ils n'élèvent pas, ils rabaissent. On finit toujours au fond d'un souk avec des gens comme ça. Alors bon, certains ashkénazes, oui, mais comme il y a quand même tel interprète ashkénaze qui arrive, et oui, on arrive à trouver quelques interprètes ashkénazes qui arrivent à conduire un orchestre symphonique, c'est vrai, on en arrive, mais c'est tellement, tellement pas représentatif. Donc, alors, c'est vrai que, pour en revenir à la question donc, de la triche, des juifs qui trichent, avez-vous jamais entendu ça? Franchement, c'est quand même assez extravagant, hein, la culture, mais les séfarades compensent largement au niveau culturel la tricherie qu'opèrent les ashkénazes dans leur domaine de compétences, je veux dire. Dans le champ, c'est scandaleux. C'est odieux. Moi, je ne comprends toujours pas pourquoi Hanouna n'est pas en Sibérie en train de creuser un gazoduc. Ça m'interpelle. Ouais, s'il était en Ukraine, il deviendrait président de la République, Hanouna. La Sibérie est un petit peu plus à l'est. Ouais. Non, mais quelque chose qui m'a toujours très surpris chez les séfarades et chez les juifs de manière plus générale, c'est leur espèce de quelque part, on pourrait même un peu les admirer, enfin du moins respecter ça. C'est vraiment l'aspect. Communautaires qui ils font tout pour se soutenir. Et moi, cette école, apparemment, c'est une école de rejetons de la communauté qui sont pas forcément des as qu'on envoie parce qu'on ne sait pas les foutre, on n'arrive pas à les foutre ailleurs. Et si ces gens sont capables de tout pour placer un des leurs à une place qui ne mérite pas, ce qui fait qu'en fait. Même si on imagine qu'il y a effectivement des très hauts QI parmi les Ashkénazes et parmi les Juifs, même les plus bas QI profitent de l'effet communautaire et arrivent à des places qui sont juste au-dessus de leurs moyens. En fait, il y a une forme de principe de Peters à l'intérieur de la communauté juive. Et c'est pour ça qu'il faut saluer le pragmatisme des autorités françaises qui ont voulu mettre en place des quotas de juifs dans l'administration. Parce qu'à partir du moment où t'en mets, t'en mets un certain nombre dans un certain domaine, ils se multiplient, et puis quelques années plus tard, tu ne t'en retrouves qu'avec ça. Bah oui, en fait, c'est le phénomène de coterie, de cooptation. Mais c'est le même problème avec les homosexuels, et c'est le même problème avec toutes les minorités. Et les blancs, ces individualistes forcenés, aujourd'hui, au moment où on parle. Et d'ailleurs, j'appelle à l'inverse, hein, on appelle au sentiment communautaire des blancs. Aidez votre prochain, évidemment, s'il est blanc. Pas les perdants qui veulent pas s'en sortir eux-mêmes, je veux dire. Hein, c'est selon le principe, aide-toi le ciel t'aidera. Il faut déjà que votre frère de race veuille faire quelque chose pour lui-même. Hein, ça passe par ça. Mais effectivement, il y a quelque chose, il y a un motif là qui est tout à fait fondamental. Mais bon, à mon avis, vers les grandes légendes là qu'on retrouve un petit peu partout dans le monde de la politique, dans le monde universitaire, dans le monde du droit, etc. Oui, les promotions doivent être sérieusement huilées. Disons que cette histoire aussi, elle est pas mal, parce que ça peut permettre au plus grand nombre de se rendre compte des tricheries que font ces gens-là. Mais parce que j'ai toujours été choqué par l'adoration qu'ont certains nationalistes à l'égard des juifs. Je me rappellerai toujours des propos... Les boomers, peut-être ? Ouais, les gens un peu âgés ou des abrutis saucissons pinards. Et je me rappellerai toujours de cette nationaliste qui essayait de faire bouger les choses localement chez elle, que je voyais sur son profil Facebook, quand j'avais encore accès à Facebook. Oui, mais sans les juifs, regardez toutes les inventions qu'ils ont créées, regardez, sans eux, ils ont trusté tous les plus grands domaines en France scientifiques. Mais alors attends, du coup, ils ont trusté comment ? En trichant ou en étant véritablement des inventeurs et des précurseurs ? Parce que beaucoup de gens ne le savent pas non plus, mais Raymond Poincaré, c'était un goy, et il a fait des travaux qui ont été repompés plus tard par Einstein. Mais tout le monde va parler d'Einstein, mais Raymond Poincaré, personne ne connaît. Donc il y a véritablement une chape de plomb hein, sur toutes ces histoires, et de voir ça éclater au grand jour sur un média... sur des médias en fait communs, mainstream, c'est vraiment génial. Alors par contre, deux choses. Je pense pas que Sigmund Freud ait pompé la psychanalyse sur quelqu'un d'autre. Hein. Je pense que c'est réellement une science juive. Ah oui, tout à fait. Qui s'inspire de l'inceste prévalent dans la communauté hébraïque. Bon, voilà, ça c'est juste un point. D'ailleurs, ça ne devrait pas en sortir d'ailleurs. C'est très efficace d'un point de vue financier. Hein. Faut leur reconnaître ça, moi. Tout à fait. Mais y a un deuxième point, c'est que l'article en question contient un angle mort qui est de taille. Oserais-je dire de la taille de l'État d'Israël. À aucun moment on ne parle de juifs dans l'article. Je veux dire, il est copieux l'article, il est long. Il y a des paragraphes, des détails, l'avocat, le truc. Mais alors, le mot magique n'est jamais prononcé. Mais messieurs du Parisien, bon, je sais que vous êtes de gauche. Bon, certes, il faut savoir arrondir les angles. Enfin, quand même, l'école aux arabes, ça mérite le mot à quatre lettres, quoi. Soyons d'accord. Eh ben non, on l'aura pas. Bah, le Parisien... 5, you done. Hein ? Je veux dire... Et après, ouais, après, je fais des rêves la nuit, je m'imagine dentiste, moi aussi, mais... Mais à Drancy. Assistant du docteur Mengele. Non, à Drancy. Assistant d'Abraham Drucker. Non, mais c'est insupportable. Oui, voilà, oui. Non, mais c'est incroyable, quoi. Les mecs font mine de deux, hein. Tu sens que t'es pas dans un pays sous occupation, déjà, tu vois. C'est-à-dire, les mecs sont là, oui, non. Tu noteras que le prénom, même le prénom du gars était masqué, c'est F. Alors, il faut même c'est. F, oui, tu sais, d'habitude, ils mettent F, plus, enfin, les prénoms et noms de famille, c'est F, Y. Alors, tel type a dit ouais, il y en a marre des juifs sur Facebook. Lionel Dupont qui est né à Tarbes, qui travaille à tel endroit depuis tant d'années. Ses voisines disent de lui qu'il est intégral. Ouais, qui regarde les enfants avec insistance dans la rue. Bon, voilà. Là, F, Oui, j'ai juste voulu aider. Bon, oui. J'ai pas fait ça pour l'argent, mais je l'ai quand même reçu. Voilà, le client a insisté pour payer. Exactement. Et puis, note que la justice est empressée de dire, non, vous êtes complice. Oui. C'est le gars qui a pris les photos, quand même. Hein. Le gars qui a pris les photos. Qui a fait, le mec qui a fait est complice d'un... Il est complice d'un mec qu'on ne connaîtra jamais l'identité, évidemment, bien sûr. Oui, c'est-à-dire qu'il est... on cherche que le cœur. Oui, non, mais vous êtes mis à la gamme pour complicité. C'est lui qui a pris la photo, qui a fait le truc. Il est juste complice. Maître Habib est très content. Voilà. Les enquêteurs vont pouvoir travailler en toute sérénité. Putain, mais non, mais... Ces juifs nous crachent à la gueule, quoi. C'est terrible. Hein. Alors, ils ont aucune pudeur, quoi. Un Habib en cachant un autre, vous avez vu la performance d'Habib à l'Assemblée nationale pour la loi Avia ou quoi? Oui, il serait. Non, mais tu parlais de cracher à la gueule de la France, j'enchaîne quoi. Je veux dire, moi, je... Bah, Habib, oui. Là, c'est un peu un live quoi, tu vois, c'est un bœuf quoi, tu vois. On se fait plaisir. J'ai vu qu'il avait. Il avait dit que. Oui, non, mais. Que la haine d'Israël, qui, il faut rappeler, a tué. Non, mais enfin, oui. Mais c'était Forisson aussi, parce que soi-disant Forisson n'aurait jamais eu aucun ennui avec la justice. Bon, ceux qui connaissent l'histoire du professeur Forisson ont dû rigoler jaune. Et non, c'est très intéressant qu'ils prennent cet exemple. Tiens, tu sais pas de parler de jaune. J'aime beaucoup la couleur jaune. Je sais pas pourquoi. Mais Rabib est très jaune. Et... Oui. Non, mais ça me donne des étoiles dans les yeux. Non. Je sais pas, c'est quoi cette manie qu'ont les juifs à vouloir empêcher les gens à parler d'histoire, c'est bizarre. Ben, d'être juif. Non, mais bon, c'est... Oui, donc là, ils vont fermer la gueule à tout le monde. En revanche, si je peux me permettre, j'aimerais te reprendre sur quelque chose. C'est que tout à l'heure, tu as dit que les Blancs ne faisaient absolument pas montre de solidarité. Oui, enfin, j'exagère, bien sûr, je grossis le trait. Bien sûr, mais en fait, c'est un peu faux, parce qu'on a vu apparaître ces dernières années des cagnottes à tire-larigot sur divers sites et compagnie, et malheureusement, j'ai envie de dire, ceux qui se soutiennent toujours ou qui aident les autres, c'est toujours des putains de gauchistes. Il n'y a qu'à voir les cagnottes à la con qu'il y a pour des sociétés genre en mode bioéthique locale, zéro déchet, recyclage de tout. Et non, mais c'est positif, c'est positif. Enfin, je veux dire... Tu comprends, ouais. Deux choses, hein. il y a l'écologie, tu sais... Je te laisse la parole, hein, mais simplement, t'as l'écologie déclarative avec des grands principes, et puis tu sais, t'as l'écologie de quartier, quoi, tu vois, où voilà, t'es un peu avec des gauchistes au coin de toi, mais les types veulent bien faire, ils veulent un peu améliorer la qualité de vie autour de toi. J'irais pas mettre ça dans le même panier, quoi, tu vois ce que je veux dire? Oui, bien entendu, mais encore une fois, les gens de nos milieux, on n'est pas là-dedans. C'est-à-dire que non seulement on n'est pas présent dans l'écologie, alors qu'en fait, l'écologie, le respect de l'environnement, c'est un thème qui, à la base, est excessivement d'extrême droite. Ou national-socialiste, ce que vous voulez, mais en fait, tu protèges le local, tu protèges le vivant d'un point de vue faune, flore, et bien sûr que tu t'inclus là-dedans, quoi. Et autre chose, c'est que donc, c'est souvent les gauchistes qui font ce genre de choses, et aussi, moi, j'ai rarement vu des gens d'extrême droite s'entraider. Alors, c'est compliqué pour nous de le faire à visage découvert sur des sites, puisque souvent, quand on est, on est démasqué, entre guillemets, on est viré. Les cagnottes sont annulées ou l'argent est bloqué, mais c'est pareil. J'ai pas vraiment l'impression que dans nos milieux on soit suffisamment dans l'entraide, suffisamment dans le communautarisme. Alors que, par exemple, très con, un individu de nos milieux, quelqu'un de méritant, comme tu dis, veut monter une société. Je suis pas sûr qu'il ait beaucoup d'aide de la part de ses, alors soit parce qu'ils n'ont pas les moyens, soit parce qu'ils n'ont pas envie. De ses compatriotes ou des gens qui pensent comme lui. Alors que quand on regarde le fonctionnement des Chinois, des Turcs, des Juifs, vous allez toujours trouver des gens pour prêter à quelqu'un de leur communauté qui veut s'installer et prendre un commerce. Et le truc, c'est que c'est pas uniquement une démarche qui est positive du point de vue de l'individu, mais c'est aussi une démarche qui est positive du point de vue de la communauté. Parce que lorsque vous avez dans un endroit donné ces gens qui s'installent et qui grignotent au fur et à mesure les parts du marché, in fine, lorsque ce sont eux qui possèdent tout, bah ils font ce qu'ils veulent avec les prix. Bien sûr. Là, c'est essentiel. Mais il y a une... Ça n'excuse pas tout, mais il y a une forme d'explication. Selon moi, hein, c'est mon opinion. Évidemment, quand les Turcs créent des organisations turques pour promouvoir leur communauté, pour se prêter les uns les autres, etc., c'est très bien vu des pouvoirs publics. Et il en va de même de toutes les communautés, de toutes les races. Quand c'est les Blancs, le point de vue est a priori non pas négatif, il est répressif. Donc, si tu dis, voilà, enfin, si tu fais comprendre, je dis pas, ouais, voilà, la race blanche, 1488, non. Tu dis simplement, voilà, moi, je vais aider mes frères européens, c'est déjà terminé. Donc, tous les pouvoirs publics, tous les pouvoirs, sans exception, parquet, police, enfin, je veux dire, fisc, tout est braqué contre les Blancs qui, par ailleurs, et c'est d'ailleurs la cruauté du système, c'est que c'est eux qui financent la machine, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas d'État français sans les Blancs. Donc, nous sommes dans un exercice extrêmement difficile, pour le moment, hein, où il y aurait beaucoup d'initiatives de solidarité immédiate à prendre, qui, à mon sens, seraient très soutenues, mais qui seraient aussi extrêmement persécutées par les tribunaux français. Et il faut bien comprendre une chose, c'est que, je sais pas, je raconte n'importe quoi. Pourtant, j'avais une idée comme ça, une pure idée d'ailleurs, qui n'était même pas conditionnée à proprement parler racialement. Donc, je vais m'en garder d'ailleurs, je vais pas la donner gratuitement à quiconque, mais qui reposait sur la solidarité. Oui, mais le problème est que si vous n'êtes pas dans les petits papiers des pouvoirs publics, ça se termine très mal pour vous. Vous pouvez même terminer en prison, c'est-à-dire que vous voulez aider, vous terminez en prison. Il y a quand même un problème, je veux dire. Et ça se passerait comme ça. À côté de ça, les Turcs peuvent resquiller comme des sagouins avec la bénédiction des autorités. Regardez ce qui se passe avec, je vous annonce ça, pas en exclusivité, mais je vous annonce ça quand même, c'est l'AMIF, la future association qui va gérer l'islam de France, décomposée en deux volets, un culturel et l'autre, entre guillemets, culturel et économique, où les frères musulmans vont recevoir les clés grâce à Macron. Bon, on va parler argent, on va parler préférences communautaires, on va parler réseau international. À côté de ça, c'est vrai qu'on est, désemparé, désarmé. Non pas par le nombre, on est les plus nombreux. Non pas par l'intelligence, on est les plus intelligents. Mais on est tenu par un système qui est puissant, qui est l'État français, qui donne des situations à des Blancs pour nous fliquer. C'est-à-dire qu'il y a une prime à la traîtrise. Une prime très réelle, avec de vrais avancements. Pourquoi les flics font leur sale boulot? Pourquoi les magistrats font leur sale boulot? Pourquoi le fisc, pourquoi les fonctionnaires du fisc font leur sale boulot? Parce que, très concrètement, c'est l'appareil des Blancs, quoi qu'on en pense. L'État, c'est l'appareil des Blancs. Donc, quand nous, on veut faire de la solidarité communautaire en dehors de la sphère publique, en dehors de l'hypocrisie, oui, je travaille pour l'État, et qui s'assume, là, c'est la répression pure et dure. Donc c'est très difficile, c'est une question qui est la mienne, qui est celle de beaucoup de personnes. Comment faire sans se faire écraser par la machine? C'est assez compliqué. Je pense qu'il y a des solutions. Brièvement, je vais donner 2-3 pistes de réflexion. L'écologie est une excellente piste de réflexion. Ouais, après, il ne faut pas se sclérosé là-dedans, quoi. Non, c'est pas ce que je veux dire. Je veux dire que si vous voulez faire quelque chose au plan local, une initiative, et vous voulez que ce soit local, et que ce soit blanc, mais qu'en fait, vous n'avez pas trop envie d'attirer l'attention parce que, voilà, oui, mais c'est raciste, ça, mettez un label écologiste. Mettez un label écologiste. Qu'est-ce que... Écologiste, c'est tout et rien. C'est, ouais, je suis près de la nature, près des racines, j'aime les animaux, les arbres, etc. Voilà. Bon, on sait pas si vous avez envie de sculpter une swastika sur un chêne, on n'en sait rien après tout, hein. Je veux dire, on sait pas, on n'a pas vu, hein. Je veux dire, bon, voilà. Ce genre de truc, voilà. On peut maquiller des initiatives locales de voisinage, vous voyez, même économiques, sous ce label très commode de l'écologie, proche de l'enracinement, qui cherche, comment dirais-je, à exalter le sentiment communautaire, etc., sans jamais mettre en avant la dimension blanche de l'initiative. Vous voyez, il faut être un peu malin face à ce système-là. Parce qu'évidemment, si on met carte sur table... Et comme ça, on peut vraiment faire des avancées. À mon sens, hein. Après, voilà, j'ai pas... Je détiens pas la vérité, mais... Il faut savoir un peu biaiser, quoi. Mais c'est scandaleux, je l'admets, hein, c'est scandaleux que, la moindre association de Turcs ou de Tunisiens... Putain, mais ils veulent faire n'importe quoi, un club de ce que vous voulez, quoi, de fumeurs de chicha. La préfecture est en pamoison devant ces gens-là. Vous essayez de faire un truc entre blancs, vous êtes suspect. Bah oui, on est dans une république juive, malheureusement. Quoi, voilà. Quelqu'un veut... Oui, petite réserve sur... Bon, l'écologie, effectivement, c'est quelque chose qui nous vient... enfin, oui, qui, de la droite, hein, plutôt la droite allemande, début du XXe siècle. Oui. Hein, voilà, on voit d'où ça vient. Mais, bon, si on va que dans ce sens-là, c'est quand même gênant, quoi. Non, c'est pas ce que je veux dire. Je disais simplement, si toi... ou des amis veulent faire quelque chose à l'échelle... Oui, à titre personnel, à l'échelle locale. Non, vraiment à l'échelle du quartier, ou à l'échelle de ta commune. Voilà, j'ai envie de faire un truc, et des gens qui pensent comme moi, j'ai pas envie d'attirer l'attention des pouvoirs publics, quelle formule je peux choisir? Et en plus, mon projet n'est même pas politique au sens parti. Voilà, mais je veux faire un truc, il n'y aura que des blancs, ça truc... Voilà. Comment je vends le truc au niveau des pouvoirs publics? Je vous le dis, faites de l'écologie... C'est bingo. Personne ne viendra chercher dans ce que vous faites. Ils n'iront pas, ouais, c'est peut-être des nazis. Non, au contraire. C'est ce que je voulais dire. Bah, tu reprends, Derek, hein, n'hésite pas. Hein, Non, mais c'était juste la réserve que j'avais à mettre. Parce que bon, de rentrer dans le... Bon, il ne faut pas non plus que ça se transforme en... Comment dire, en... En sortie de la civilisation, quoi. Voilà, non, du tout. Non. Quand je dis écologie, par exemple, je sais pas. Ça peut toucher diverses choses. Hein. Ça peut toucher des choses en commun qu'on veut faire. Ça peut toucher l'habitat. Ça peut toucher... Enfin, c'est vraiment des choses diverses. Hein. J'ai pas d'idée arrêtée sur le sujet, mais j'ai simplement comment faire pour avoir des initiatives communautaires qui n'attirent pas l'attention des pouvoirs publics. Voire même qui puissent appeler des subventions des pouvoirs publics. Vous comprenez. Des collectifs, voilà. Collectifs contre les poubelles dans les rues à Marseille. Par exemple. Et voilà, par exemple, il faut savoir se camoufler, il faut savoir adopter le langage de l'ennemi. Si vous mettez le nom collectif devant un truc, vous passez sous le radar. Collectif des trucs, personne n'ira jamais chercher un national-socialiste sous cette expression-là. Jamais, personne, ça n'existe. Collectif Blood and Honor nazi. évidemment. Pour la biodiversité humaine. Ah bah voilà, ça c'est très très bien. Oui, non, bah là, tu passes bien que... Collectif pour la biodiversité. Et l'homme blanc. Non, collectif pour la biodiversité totale. Un vaste programme, allez. Alors, puisqu'on parle écologie profonde, faisons un peu les poubelles de Marseille. Ouais, là, je casse l'ambiance, mais... Vous avez vu ce reportage qui s'appelle « Marseille, les poubelles les plus chères de France ». Là, c'est... on passe en revue vite fait. Je vais vous laisser vous exprimer. Il y a des gens qui ont de l'expertise. 30 minutes, on a pu le trouver, je pense, sur le site de Démocratie Participative, hein, democratieparticipative.club, le temps que ça durera, le temps que les Juifs voudront bien nous laisser nous exprimer sur ce domaine. Est-ce que vous l'avez vu? Et si oui, qu'est-ce que vous en avez pensé? Oui, je sais ce que vous voulez dire. Qui veut s'exprimer? Marseille est une poubelle, donc les poubelles à la poubelle, bon... mais toi, tu vas dire oui, etc. Mais attends, il y a des millions de Français qui savent pas ce que c'est. Ils découvrent. Ah bon? Non, bah oui. Moi, je découvre quand je vais en Suisse, tu vois. C'est vrai que c'est différent. Mais merde, ils sont où les rats? Moi, j'ai découvert la biodiversité. Rouge, hein. Elle est où ma biodiversité? Pierrot. Moi j'ai découvert la mafia rouge de Marseille en regardant cette vidéo. Je vous invite, hein, vraiment, si vous avez 30 minutes comme ça à tuer, ça vaut le coup. Déjà vous rigolerez un bon coup, je pense. Et sur la mafia, en fait voilà, on peut parler des Arabes, etc. Bon, pour en parler. Mais la mafia rouge, le syndicat, donc force ouvrière, qui tient l'aménagement du territoire, donc en gros le ramassage des ordures. Les mecs qui ont des avantages énormes, qui en branlent pas une, qui ont un système de dingue, le fini parti, c'est ça le terme, hein. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont fini leur boulot, en fait ils peuvent partir, ils ont le journée de 8 heures en théorie, mais s'ils finissent au bout de 2h, 3h, ils peuvent se barrer, quoi. Et donc, du coup, ça donne, en fait, l'application du communisme, en fait, est à Marseille, hein. C'est l'application totale. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des mecs, ils ont des avantages énormes, ils sont protégés de partout. Ils bâclent le boulot parce que, de manière, on s'en branle, tu vois, ils sont pas surveillés. Et ils font des tournées de 3h et quelques. T'as même un mec dans le reportage, il vérifie le GPS du ramassage du camion qui est lié au ramassage de poubelles. Il a un tracker en gros, puis le mec il vérifie, ah tiens c'est bizarre, là ils sont arrêtés 9 secondes pour ramasser les poubelles. Et puis le mec il fait, ouais non, ça va, c'est normal. Enfin, bref, faut absolument voir cette vidéo, hein. Ça est à mourir de rire. Là à la fin de la vidéo, vous vous dites peut-être, si vous êtes du coin, de la Provence, eh ben je sais où finissent mes impôts. Alors, le grand secret du communisme, c'est que c'est financé par le capitalisme. Faut pas l'ébruiter, par contre, le secret. Hein. Parce que y a pas suffisamment de place pour tout le monde. Non, mais dans tout le reportage, le truc que j'ai bien aimé, c'est... donc, il y a un blanc dans son bureau. Et... alors, je sais pas pourquoi, en fait, ça m'a interrogé, ça. Et vous savez, il y a cette fameuse photo américaine où on voit les travailleurs qui construisent des buildings, je sais pas si c'est sur l'Empire State Building, je pense que c'est l'Empire State Building, mais je ne sais pas. Vous savez, vous avez tous ces travailleurs qui montent les poutres d'acier, là, et il y a une pause déjeuner, ils sont tous assis sur la poutre, et donc il y a l'immensité derrière. Et donc, bon, c'est un peu la figure de l'ouvrier des années 30, quoi. Le héros ouvrier des années 30, bon, très bien. Et puis... Non, en fait, le type est dans son bureau devant son écran et il supervise les types qui vident des poubelles à Marseille et où tu découvres que les mecs qui sont bossent 3 heures, sont payés 8. Oui, il supervise des types qui sont censés vider les poubelles. Oui, censés vider les poubelles. Et là, l'arrêt, 9 secondes. Oui. Mais là, en fait... On leur a pas expliqué au mec en fait. On leur a dit, ouais, mais l'arrêt, c'est pas juste l'arrêt, c'est il faut descendre du truc, faut éviter les poubelles. Enfin, le mec, il s'arrête. C'est pas marqué dans le contrat, il faut. Il faut préciser. Putain, ouais. Ça sonne un peu juif, ça quand même. Hein. Bah, il faudrait une prime. Ah, une prime à la Si tu vois un énorme tas de poubelles, s'il y a une caméra cachée, je résume un peu. Hein. Un énorme tas de poubelles, le camion il passe, je sais pas, le mec il s'arrête 2 secondes, il a pris un bout de plastique, il repart, et c'est encore plus la merde en fait qu'après le départ. Les trucs qui volent et tout, et en plus ils payent cher en fait pour ce service en plus les Marseillais. Ils ont dit 149 euros. Oh, oui, ouais. C'est énorme. Par an. Et par foyer. Quoi. 149 euros. Il y avait un moment donné dans le reportage aussi, là on était plus au nord, j'ai oublié le nom de la commune, hein, mais en fait le maire il paye une équipe de supervision en fait qui passe derrière pour faire les extras en fait. Vous avez vu ça? Ouais. Peut-être le mec paye après une équipe qui va surveiller. Non mais c'est ridicule. C'est ridicule, je veux dire. On est dans Marseille, okay, ça commence comme ça, le reportage il commence comme ça. Bon en fait, t'as un nègre, il vient d'arriver, hein. Parce qu'il est... J'allais dire il est noir. Non. Il reluit de bleu. Hein. Il reluit de bleu, je vous le dis. Hein. Et bon, il est là. Bon, la greluche, elle circule et tout. Et vous avez le restaurateur. C'est-à-dire que le restaurateur fout ses poubelles devant son établissement. Enfin, derrière. Bon. Ça empuantit toute la ville. Ouais, enfin, toute la rue. Le type baratine. Je sais pas d'où elle sort, etc. Gandalf précise que quand tu parles, c'est la patrouille de la propreté de Marseille. Ouais, parce qu'il faut en plus il faut fliquer la voirie. En fait, ils ont non mais vous... ouais, avec un gros type avec un costume qui fait le beau quoi. C'est-à-dire que c'est pour vous dire ce que c'est comme caricature du communisme municipal qu'est Marseille, dirigé par la droite dure de Gaudin, c'est qu'il faut des équipes pour passer après la voirie, nos équipes de voirie pour passer après la voirie parce que la voirie fait tellement bien son travail quoi. Et il passe, il dit, oh tiens, c'est marrant, il y a une poubelle. Ah oh, tiens, c'est marrant, il y a une poubelle. Ah, oh, il y a une marrant. Et c'est vous, monsieur? Ah non, je sais pas, c'est pas. Donc les types vivent dans les ordures. Et ça va. Et alors, moi, je veux dire, s'ils payaient 10 euros par an pour le ramassage, je me dirais, bon, bah, le contrat respecté, hein, en fait. On ramasse pas leurs poubelles, ils vivent parmi les rats. Mais bon, c'est une spécialité locale. Après tout, que ce soit des rats qui sortent des poubelles ou des rats qui sortent des HLM, il n'y a pas trop de différence. Je veux dire, bon, ça pourrait se comprendre, je veux dire, dans le contexte. Sauf que, non, c'est les poubelleurs les plus chers de France. C'est les types, tu vois, bah, à ce tarif-là, ils devraient ramasser les poubelles en Rolls-Royce, c'est pas possible, quoi. Non, mais c'est fou, quoi. C'est fou, quoi. Et Godin, il est là. Ah, C'est comme ça. La concorde sociale. Ouais, qui veut moi, oui. Qui veut... La place de la Concorde, je pense, c'est une place de... à Paris, hein, qui est... c'est plutôt à droite. Hein. C'est un lieu de rassemblement. Ouais, ben voilà. Je sais pas. Mais... ben là, c'est la Concorde. À Marseille, c'est différent. C'est autour des poubelles. C'est l'Algérie, quoi. Non, non, c'est pas que. Attends, les types, c'est des blancs. Hein. C'est des... Ah oui, non, mais là, oui. Alors, ah oui, oui, ça, c'est intéressant. Enfin, des blancs, ouais, ça, c'est... oui. C'est des Européens, on va dire. Oui, ouais, ouais, ouais, oui. Oui, parce que bon, il y a quand même eu. Mais je veux dire. Ah oui, non, mais ça, il faut le reconnaître. Hein. C'est pas des Maghrébins qui tirent au flanc. Non, c'est des Blancs qui tirent au flanc, mais d'une manière. Mais, oh, mais ces gens voleraient. Leur... Ça bouillit à une grand-mère. Hein. Ouais, vraiment, c'est... ils le feraient. Oui, non, mais c'est pas. C'est... Ces gens sont. Enfin, ils pourraient rendre jaloux des nègres, quoi. Vraiment, hein. Ah, je crois que la jalousie est très présente. D'ailleurs, ils ont tous à peu près 50 ans. Ils ont tous à peu près 50 ans, on le voit, à peu près, la cinquantaine. Oui. Et je suis à peu près certain que tout ce monde-là est raciste au dernier degré. Mais j'en suis sûr. Et en fait, peut-être que s'ils nous expliquent, ouais, mais tu comprends, je vais pas non plus faire du zèle pour ramasser les ordures des bougnoules. Ce qui se comprendrait en soi. Hein, oui, mais ce qui on prend par les sentiments, je comprends tout de suite. Non, mais voilà où mène une société multiraciale. Quoi, voilà, multiraciale, évidemment. Marseille, c'est une société multiraciale depuis avant le reste de la France. Hein. Ça a été précurseur. Depuis avant la France, même, en fait. Oui, oui, non, oui. Bon, c'est vrai, je taquine, oh, allez. Oui, oui. Mais. Non, mais attends, en plus, ils ont une architecture. On le voit dans le truc. Donc, il y a des détritus partout et ça. Mais on voit les immeubles. Les immeubles étaient beaux. Ils étaient beaux, les immeubles. Un peu haussmannien, oui. Là, vous voyez, un petit peu, voilà. Enfin, un peu, je dis. Ouais. 19e, vous voyez. Non, mais c'est genre. C'est-à-dire que si c'était propre, s'il y avait des gens blancs qui vivaient là-dedans, ce serait des rues tout à fait agréables. Ce serait des rues. Alors vous me direz, oui, mais avec des scies, on mettrait Paris en bouteille. C'est tout à fait vrai. Et on mettrait Paris en Europe. Et on mettrait Marseille en Europe. Quelqu'un d'autre là-dessus? Non, pas spécialement. Oui, j'ai l'impression qu'il y a une corrélation entre la Méditerranée et le degré de saleté, en fait. Parce que Marseille, Naples, même combat, quoi. Oran. Alger, plutôt Alger. C'est Soral qui avait fait un topo là, sur son voyage en Algérie. Oui. Il avait été particulièrement impressionné par la saleté de ce pays. Quoi. C'est, bon, je crois pas qu'il... Non, je crois pas qu'il parlait de la saleté du pays, je crois qu'il parlait de la saleté des gens. Ah, d'accord, oui, bon. Oui. Le pays en lui-même, il est... Non, c'est très... il y a des beaux paysages. Hein. Oui, ah, oui. Ah, bien sûr. Non, mais les... Oui. Des beaux arbres. Oui, c'est... oui, non, mais l'Algérie, c'est très très beau. L'Algérie, c'est très très beau. Tout à fait, tout à fait. C'est le... Donc les Algériens. Voilà. On appelle ça comme ça. Oui, non, c'est ça. C'est une décharge à ciel ouvert, l'Algérie. C'est Marseille au carré, quoi. Ouais, c'est ça. Au carré. Oui, au cube, hein, plus quand même, hein, déjà. Ouais, bon, faut voir. Hein. Il y a quand même peut-être plus de. Faut de voir, quoi. Il y a quand même plus de Comoriens. À Marseille, tu as la variable comorienne aussi. Tu as oui, aussi c'est les vrai. Nègres. Oui, c'est vrai. Je pense que les Algériens n'ont pas. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Non, c'est plus vrai. Une négro-fraye que Marseille. Hein. C'est vrai. Alger est plus blanche que Marseille. Et oui, c'est la réalité. Non, hein. tu me l'as dit, c'est vrai, je confesse. Donc que les Jaliens ne s'offusquent pas, bon, vous serez offusqués pour autre chose, mais oui, c'est vrai. C'est plus voilà. Civilisé, disons. Peut-être. Oui, oui non, peut-être. N'exagérons rien. Ouais, oui. Bah, moi, c'est quand j'ai regardé un peu les reportages là, avec la représentation de, comment il s'appelle, Bouteflika. J'ai trouvé une forme de civilisation à Alger que je ne retrouvais pas à Marseille, en fait. Donc j'ai l'impression qu'il restait un fragment de civilisation qui avait totalement disparu de Marseille. Bah, c'est moi, peut-être j'ai vu parce que les flics Algériens et Marocains sont pas très très doux, tu vois. Quand ils mettent des claques là-bas, c'est pas avec le bout des doigts. Alors déjà en tôle, en Algérie, déjà, t'as pas de bouffe, t'as pas de douche, tu te fais bastonner la gueule. Il y a des arguments quand même, je veux dire. Il n'y a pas de PlayStation. Non, il n'y a pas de PlayStation. Il n'y a pas de courant non plus, d'ailleurs. Moi, je propose un gros deal. Vous voyez, on file des milliards et des milliards aux Algériens, mais en même temps, tout leur tolard qui est en France, ils vont purger en Algérie. Et moi, je pense que l'armée algérienne, ils sont preneurs. Hein. Tranquille. Hein. Ouais, je suis pour. Tu sais qu'il y a des gens qui vont bien s'en occuper. Qu'est-ce qu'on va faire de nos nègres qui sont gardiens de prison? Tous les matons qui viennent des îles, on en fait quoi? On fait comme les Algériens, on les raccompagne à la frontière sahélienne. J'ai vu un reportage là-dessus, c'est non mais c'est poétique. Ah, c'est non mais ah, c'est oui. Non mais après, non moi, mais après, tu vois, les mecs, j'ai la larme à l'œil, moi. Ah ouais. Non mais je veux dire, bon c'est vrai qu'on tape un peu dur sur l'Algérie, mais je veux dire, là, ils ont quand même des qualités ces gens-là quoi. Je veux dire, oh putain les mecs, ils vont lâcher les lâchent le bus magique, le bus magique. Ouais. Non mais putain. Oh purée. Ouais, oh là là. Non j'ai vu des films qui m'ont touché, mais celui-là. Oh le reportage. Bah ça finit, c'est vrai que ça finit bien. Et puis ça finit comme ça, tu sais, un peu dans le désert et à perte de vue quoi. Puis tu vois le truc il part comme ça, puis les types puis voilà, puis ça finit avec des os et puis voilà. Enfin, ah, il y a un suspense quoi. Ben jusqu'au bout tu dis putain, est-ce qu'il va pas y avoir un mec d'extrême gauche ou un mec de l'ONU qui va venir et ça puis non ils viennent pas en fait. Tu vois non. Ouf. C'est au revoir les enfants, sauf que ah, là ça finit pareil en fait. Ouais, ouais, c'est fini, Raquette elle reste au bord de la mer, mais c'est vrai que oui, on aimerait bien peut-être qu'elle aille dans les terres. Elle finirait avec les nègres aussi au milieu du désert. Ce serait beau. Bon, allez, les Algériens, on vous aime pas, mais hein, bah, sur les nègres on se comprend quoi. Un petit clin d'œil quand même pour l'armée algérienne. Front de la foi. Ouais. Non, le front antinel. Oui, il n'y a pas d'histoire de foi. Là. Bon, messieurs, je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, les amis.